Neil Armstrong est le premier à avoir marché sur la Lune. Chuck Yeager est le premier à avoir franchi le mur du son. Et il y a Jadoul, qui lui est le premier à se jeter sur les pâtisseries à l'accueil. Et c'est déjà pas mal, non? Jadoul, 20h-22h, sur Hilar FM. Bonsoir à tous, j'espère que vous passez une belle soirée à notre écoute. Je vous souhaite la bienvenue, vous êtes sur Hilar FM, la radio de vos humoristes préférés, mais également celle de vos animateurs préférés, car notamment, il y a quelques minutes, il y avait Kylian en direct dans son émission Les Hits du 19h-20h. Bonsoir Kylian. Eh ben bonsoir Thomas, comment tu vas? Je te souhaite la bienvenue ici. Ah bah merci, c'est gentil. Et bienvenue dans le studio dans lequel t'étais pendant une heure. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc je te dis bienvenue dans le studio dans lequel j'étais pendant une heure. Voilà, je te remercie. Dans cette émission, beaucoup de choses à voir. Alors je vous le dis, c'est un peu light, hein, parce qu'on était en réunion de prod toute la journée, c'était un petit peu long parce qu'on devait décider de la fin de cette saison. Et puis vu que c'est l'été, bah, on fait un petit peu régime, donc on prend tout ce qui est un peu light. Quoi, voilà. Même l'émission elle est light, voilà. Voilà. Comme ça au moins vous pouvez nous écouter, vous ne grossissez pas du cerveau. Alors il faut qu'on vous briefe sur la fin de saison. On avait envie d'être avec vous le maximum possible, car en fait on a le 7 juillet, c'est le jour, enfin c'est l'acquis quoi, c'est le jour où c'est la fin de l'émission, la fin de la saison surtout. Oui. Donc du coup, on voulait profiter de vous et essayer d'être avec vous le plus longtemps possible. Ouais, profiter de vous en bien. En bien. Et garder ce contact avec vous jusqu'au 7. Mais on s'est dit, oui, ok, si on est jusqu'au 7, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est la troisième émission avant la fin. C'est vrai. Alors du coup, on s'est dit, bah, ça le ferait pas. Alors, ce qu'on fait, c'est que la semaine prochaine, on est encore en direct samedi. Et après ce samedi-là, dès le lundi, on vous offre un resto. On sera en direct du lundi au jeudi, plus le samedi, durant 2 semaines. Alors là, je vous le dis, c'est la fête. Hein. On va être ensemble, donc 10 heures de direct par semaine, vous imaginez. Je pense qu'on va faire des séquences improbables, des happenings, des défis, ouais, ça va être génial. Ça va être du lourd même. Ça va être du très lourd. Très, très lourd. Kylian sera là, moi aussi, et toute une série de chroniqueurs. Dans quelques instants, je vais vous dire que Corentin, membre de l'équipe, à mi-temps, va arriver, mais... Ah bon voilà. Oui, ah bon. Son micro est là. Mais lui ne l'est pas. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'il vienne d'ici la fin de cette émission. Ou ce qu'on fait, c'est qu'on l'appelle maintenant. Ça te dit? Moi, ça me dit, oui. Ça me dit, oui. Aujourd'hui, voilà. Mais... C'est ça. On va essayer de l'appeler. T'as son numéro dans le standard, Corentin. De Corentin. Oui. Attends, hop, je te le trouve. Voilà, on le numérote. Merci, on l'appelle. Corentin, es-tu là? Faudrait peut-être que ça sonne, que je suis con. Ok. Allez, on l'appelle en direct. J'espère qu'il est réveillé. Réponds. Vous êtes sur la messagerie vocale. Oh le salaud. Ah bah il répond. Oh le salaud. Bon ok, bah on essaiera de le revoir plus tard dans cette émission. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas où il est. Je vais essayer de voir si je peux pas avoir sa localisation ou téléphoner à la police. Bon alors la semaine passée, on est bête, on a complètement zappé. On devait oh là là, il est en voiture. Alors attendez, je reprends juste le sujet. Corentin, ce couillon, quand il est en voiture, lui qui est très fort Apple, technologie et compagnie, il a été fouillé dans ses paramètres pour que dès qu'il arrive dans sa voiture et qu'il se connecte en Bluetooth à sa Mercedes, eh ben, le téléphone envoie automatiquement des SMS à tous ceux qui essayent de l'appeler et lui envoyer des SMS en disant, je le lis en direct, ne pas déranger, je suis en voiture et quand je conduis, cette option est activée. Je verrai votre message à mon arrivée. Mais c'est bien. C'est bien. Et je reçois un deuxième SMS. Je ne reçois pas de notification. S'il s'agit d'une urgence, répondez urgent pour m'envoyer une notification concernant votre message d'origine. Donc c'est-à-dire que le mec est coupé du monde, quoi. Quand il est en voiture, il peut même pas entendre qu'il a un message et qu'il devra s'arrêter pour décrocher ou quoi. Rien du tout. Et ça veut dire qu'il nous écoute même pas en plus. C'est-à-dire qu'il nous écoute même pas. Ah là là. De plus en plus insupportable. Il va être puni, Ouais. Il va voir, il va venir, on va le mettre dans le placard. Hein. Impossible ce gars. Bon, je disais, la semaine passée, on a complètement zappé un truc, c'est la cassette de Jadoul, on a oublié de vous donner la réponse. Ouais, c'est honteux. Hein. Honteux. Donc, ce que je te propose de faire, c'est qu'on la réécoute, la cassette, oui. Et on donne la réponse. Et non, on les refait jouer. Ah non, j'ai une nouvelle cassette aujourd'hui, on va pas la repasser 2 semaines. Hein. Si tu casses plusieurs cassettes, bah... Kylian, peux-tu aller près du magnétoscope lancer cette cassette-là? Oui, hop, je me déplace. Mais d'abord, je mets un jingle. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'est la cassette de Jadoul. Je t'en prie, Kylian, vas-y. Voilà, je viens d'arriver. Hop. Alors, as-tu trouvé, toi, Kylian, de ton côté, quel est le morceau en question ? Alors, personnellement, je le connais. C'est vrai ? Oui, mais je... T'as pas le nom ? Je n'ai pas le nom. Ah, c'est même pas l'artiste ? Non, attends. Non, rien à voir avec Jean Balvin. Ah, allez ! Major Lazer ? Major Lazer, oui. Lazer. Le titre... Je sais pas le titre. Mais je sais que c'est Major Lazer. Kylian, enfin, j'espère que c'est Major Lazer. Kylian, notre Lazer. Standardiste, peux-tu me dire si c'est possible de piocher dans les SMS de la semaine passée pour faire le tirage au sort dans les bonnes réponses ? Oui. Ok. Je vais... Allez, on peut lancer le moteur de recherche aux bonnes réponses ? Oui. Allez, attention, on introduit la bonne réponse et on recherche parmi les SMS... Ça commence à ralentir, les résultats s'affinent. Attends. 3, 2, 1. Aucune bonne réponse au standard. Donc c'est qu'il était quand même vachement bien détérioré le son. Hein. Ouais. Parce bravo, que, bravo. Parce que même vous dans votre voiture ou chez vous devant le poste de radio ou si vous nous écoutez sur internet, vous pouvez pas le deviner avec Shazam. Étant donné qu'on a déformé le truc, ça ne le reconnaît même pas. Donc voici la réponse en non déformé. Vous allez sûrement reconnaître de cette manière-là. Et le morceau s'appelle Tip on It et c'est de Major Lazer effectivement. Donc tu as une semi bonne réponse, Kylian. Une semi bonne réponse. Voilà. Bah, c'est déjà bien. Ok. Je te propose qu'on s'écoute maintenant la cassette de cette semaine. Ce serait bien. Très intéressant d'ailleurs. Est-ce que toi tu l'as entendu ou pas ? Non, pas encore. Déjà à l'avance, non ? Ça tombe bien parce que comme ça tu peux jouer avec les auditeurs qui eux aussi jouent chez eux. Avec quel numéro, Kylian ? Le plus 32 49 9 15 75 ou mon numéro personnel. Et dire qu'il y a de ça 6 mois, il l'avait dit carrément à l'antenne son numéro. Ah, mais je peux le redire, moi il y a. Aucun souci. Je te le déconseille. En plus, maintenant qu'on est en FM, je te le déconseille. Très fortement. Voici la cassette du jour, Kylian, tu peux la lancer. Hop. Ah, je sais pas, moi personnellement, je sais pas du tout. Kylian, as-tu une idée là sur le coup ? Pas du tout, mais j'aime beaucoup la musique en tout cas. Ouais, moi j'aime beaucoup, hein. j'aime bien, c'est dans ma playlist personnelle. Donc on l'écoutera d'ici la fin de l'émission. Rappelle-le-moi, parce que sinon je suis sûr qu'on va le zapper. Note-le, ou enfin fais quelque chose, mais il faut vraiment pas qu'on l'oublie. Alors, donne-moi le titre. Le mec qui veut gagner. Attends, donc comme la semaine passée, des cadeaux, des CD, des compiles, des albums. Juste mon casque cassé si vous voulez. Des CD, des compiles et des albums, c'est exactement les trois mêmes choses. Les CD changent. Hein, Oui, les CD changent et les temps aussi. Tout comme les membres de l'équipe. Bon, on a beaucoup de choses à voir dans cette émission. Les news de la semaine et tout ce qu'il ne fallait pas louper. Des anecdotes à la con de Kylian. Et encore, évidemment, du Jean-Michel. Je ne sais pas où il est. J'ai pas eu de ses nouvelles durant la semaine. Je sens que ça va être encore du très très lourd. Et quand je dis lourd, ça va être bien lourd. Alors, cette semaine... Il a pris du poids, Jean-Michel ? Non mais il est lourd dans sa manière d'être en permanence. Il est juste impossible. Ouais. Enfin voilà. Merci. Là alors je vous le dis, toute cette semaine j'ai eu quelque chose en tête. Il faut que je vous le fasse écouter. C'est je pense mon plus gros fou rire de cette semaine. Oh Fred, mais t'es où ? Oh jamais je suis là. En haut de la falaise. Coucou. C'est la coucou à la fin qui me tue. Donc il joue avec des échos et tout, c'est comme nous quoi. Oh je suis là, au haut de la falaise. Je ne te vois pas. Coucou. Juste magique. Oh Fred, mais t'es où? Oh jamais je suis là, au haut de la falaise. falaise. Coucou. Ça a fait ma semaine. Voilà. Donc si vous aussi vous avez des petits extraits de C'est pas sorcier avec Jamy et Fred, bah vous nous le dites, on sera ravis de les découvrir. C'est juste magique. Corentin est en voiture, peut-être qu'il arrivera d'ici 21h. Il va passer la tête. Ah bah, je vois Corentin. Ah, Corentin standard. Appelle en direct. Alors là, je vais essayer de décrocher maintenant tout de suite. Allô, Corentin? Oui. Oui. Tu m'entends? Je t'entends, oui. J'ai bizarrement su que t'étais en voiture. Tout à fait, oui. Non, là il n'est plus, il roule, alors il n'est plus au téléphone. Et là tu t'es arrêté pour nous appeler? Ben, j'ai le dispositif main libre. Oh là là, le dispositif main libre, carrément. Ah oui, monsieur roule en Mercedes. Péteux. Tout à fait. Ok, c'était pour savoir d'ici combien de temps t'allais arriver, parce que nous sommes déjà en direct. Ben, bientôt, je suis sur la route, là. Ah, déjà pour venir au studio? Ben, bien sûr. Alors, il est à la côte belge. C'est un petit problème. Et je te préviens maintenant, c'est que on a ton micro. Oui. Mais vois-tu, il est sans fil. Alors... Ah, mais j'ai mon micro avec moi. C'est le seul gars qui se balade avec ses micros sur lui. Bien sûr. Et Régiston avec moi aussi, tu sais. Normal, hein. Normal, bah oui. Ok, très bien. Donc t'as tout ce qu'il faut en termes de micro. Tout à fait, oui. Même en termes de câblage, en termes de tout ce que tu veux. Oh, bah. Okay. Ça se trouve, on peut faire l'émission carrément en direct de sa voiture. Ah bah, il y a moyen. Bah bien sûr, j'ai une table de mixage intégrée à la voiture. Ah, tu vois, je le savais. J'en peux plus. Donc t'es là d'ici combien de temps? Disons 15 minutes. 15 minutes. Maximum. Mais t'es où? Tu viens d'où? Ah bah là, je suis à Miami. Ah oui, bah ça va alors. Tu prends un petit avion, d'ici 15 minutes t'es là. Oui, c'est ça, ben, j'ai mon jet qui arrive d'ici 30 secondes, il est en train d'atterrir, je le vois. Ok, bah ben, s'il n'y a pas trop de monde à l'aéroport. De... Voilà, c'est ça. Le plus long, c'est l'atterrissage, quoi. Ok, ben, on va te laisser, merci Corentin. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Merci d'avoir appelé. Oui. Allez, voilà, donc vous avez des nouvelles de Corentin. Je lui ai un petit peu coupé le son à la gueule, mais c'est pas grave. J'espère en tout cas que vous passez une belle soirée à notre écoute. On est parti pour une soirée de délire, je vous le dis. On aura beaucoup, beaucoup de choses à voir, notamment de la musique. T'aimes la musique, Kylian? Oui, j'aime la musique, j'adore la musique. Comme ce titre, par exemple. Jésus, Jésus. Bien sûr. Merde. Ok, merci Jamy. Oui, c'est ça, oui. Je suis juste fan. J'aime la musique, mais la musique, hein. Ah, et donc... Jésus. C'est pas de la musique? Non, okay. Non, pas tellement. Ah, dommage, parce que moi j'aimais bien. Pardon, allez, on va s'écouter tout de suite un titre que j'adore en ce moment. Alors là, ça c'est ma petite Marlène. C'est ma petite Marlène. Je t'aime, Marlène. C'est ma petite Madeleine de Proust. Je y arriverai. Mais tu connais pas l'expression? Non. D'accord. Madeleine de Proust. Non, ça me dit Madeleine de Proust. De Proust. Madeleine. Toi qui es sur ton téléphone pendant l'émission et que c'est très mal poli, est-ce que tu pourrais au moins... Mais je m'en fous, t'es sur quoi? C'est pour l'actualité. On découvrira tantôt. Voilà. Pendant l'émission, c'est pas le top. Donc, tu pourrais te renseigner sur la Madeleine de Proust en tapant ça sur Google. Tu verrais que ça existe. On s'écoute maintenant Peace, la paix, ou dans le coin. Peace après la Madeleine de Proust. Moi, je veux bien, mais. Mais c'est sympa. Non, c'est A Mushroom Cloud. D'accord. Un nuage de champignons. Ah oui, ok, oui, bah oui. Et l'artiste s'appelle Bormin. J'adore, c'est magnifique. On s'écoute ça tout de suite en direct sur la RFM. Vous êtes dans Jadoul. Madeleine de... Tout ça évidemment dans Jadoul, votre première émission du samedi soir en direct. Jadoul, 20h-22h sur Rire RFM. Merci. Bon, ce que je vous propose de faire, c'est que on se fasse un Jean-Michel dans un instant. Ensuite, le point info sur la Coupe du Monde de foot, car oui, on va en parler un petit peu dans cette émission. On va faire un petit point avec Kylian, qui lui est un peu plus fan de foot que moi. Notamment sur l'équipe la France contre l'Australie qui a joué aujourd'hui. Voilà, et un petit récap, puisque depuis le début de la Coupe du Monde, on n'a pas fait de point dessus, donc on va un petit peu parler de tout ce qui s'est passé, surtout où ça se passe et tout ça. Donc, d'accord. Kylian oui. va nous faire ça d'ici 20h30. Voilà, dans 10 minutes, c'est plié. Ce que je te propose de faire, donc maintenant, c'est un petit jeu de 5 mots. Un petit jeu de 5 mots. À l'ancienne. À l'ancienne. En attendant Corentin. Oui, je te donne les mots. Ça marche. Ça te va ? Ça me va. Ça me marche. Allez, attention, est-ce que tu peux lancer le jingle avec l'accent italien ? Mais ils sont même pas qualifiés la Coupe du Monde. Mais je m'en fous. C'était méchant pour eux. Posez mon pâté bambino, lancez-moi les titres. Ah non, c'est quoi ? Qui en trouvera le plus face au chrono ? C'est le jeu des 5 mots. On y va. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Moi. C'est parti. Oula, non, c'est quoi ce vieux son là ? Attendez, moi je veux les nouveaux. Attendez, ça c'était les anciens chronos. Ah non, moi je préfère les nouveaux. Est-ce qu'on peut me mettre le nouveau dans mon cartoucheur ? Merci bien. Ok, voilà, je l'ai. On est bon, c'est parti. C'est 10 secondes, sa bande de bouffons, va. Bouffons, va. Bah. C'est un petit peu méchant ce que je dis, moi. Non, attends. Mais t'es méchant. Voilà. Ok, d'accord, merci bien. En termes d'essais techniques à l'antenne, là, on est bon, là, je pense. Hein. Oui, là, c'est du récap. Hein. Là, c'est... on était à l'antenne, là. Ah, d'accord, ok, parce que moi, je pensais qu'on était hors antenne. Allez, on peut y aller, c'est parti, si tu es prêt, Kylian. Je suis prêt. Alors, c'est quelque chose que l'on trouve en Australie. Un kangourou. Bonne réponse. C'est quelque chose que l'on trouve dans son café le matin. Les spaghettis. Non. Les sucres. Non. Les cuillères. Bonne réponse. Oui. C'est quelque chose que l'on trouve ici à Ilar FM. En quantité. Des musicas. Non. Des boissons. Non. Ça, c'est un peu espagnol, là. Des chamallows. Non. De l'eau. Non. Ah ben non. Non, dans un studio, généralement. Des micros. Bonne réponse. Mais c'est fini. Donc, il reste plus que deux mots à trouver. Est-ce que tu veux qu'on reparte pour 10 secondes ? Ah oui, là. Ah oui, là. On voit du lourd. Hein, ah non, de Dieu, il faut qu'on y aille. Oh, allez, Jacqueline. En tout cas, d'office, c'est perdu. Ah. T'étais pas dans les 30 secondes ouais, pour bah, les c'est 5. Bon, c'est bon, je me barre. Allez, on repart pour 10 secondes. C'est parti. C'est quelque chose qui est utilisé par les mamans avec leurs enfants. Par les ? Maman. Maman, des mamelons ? Non. Ah, des jouets ? Non. Poussettes ? Non. Plasticine ? Les mamans et les enfants. Oui, c'est quelque chose qu'utilise une maman avec un enfant. Pampers. Non, pas une marque, non. De, il y a pas d'autres marques de langes. Non, c'est pas des langes. Bon, c'est pas de la plasticine, c'est des. Bah non. Qu'est-ce que les mamans font avec les enfants ? Ils foutent dans les poubelles. Mais ça c'est très très beau ça. Si vous êtes une mère et que vous nous écoutez aujourd'hui en direct, vous pouvez envoyer un petit message d'insulte à kylian@tmsprod.com. Non mais allez, attends, qu'est-ce que je ne sais pas. Une titute. Non. Un biberon. Oui, bonne réponse. Un biberon. Il rigole. Bah oui, enfin, avec les enfants, oui. Bah, il est bébé, oui, avec les enfants, je sais pas. Bah, des petits enfants. Oh oui, bah alors il faut préciser, hein. Ok, je préciserai la prochaine fois que je parlerai de biberon. Je sais pas quand j'aurai l'occasion d'en reparler, mais. Bah, si, que tu seras bourré sur les. À la radio, bah, tu auras ton petit biberon c'est à côté ça. De toi. C'est ça. On en parle de toi ? Non. Moi, y a rien, moi. Si j'ai peut-être été bourré une fois, non, deux. Alors, je vous explique, Kylian bourré, c'est quand même magique. Car à 3 alors, du coup. Parce que je parlais pas de celle-là. Kylian, quand il est sous, il faut savoir que. Enfin, il est normal, hein. Ça ne change pas son comportement classique. C'est juste qu'il va parler avec beaucoup plus de lenteur et il va se répéter. C'est juste Kylian en ralenti. Donc, petite imitation de Kylian complètement sous. Tu me croiras pas, j'ai la mâchoire. Endormie qu'elle est. La mâchoire endormie. Il a un grand blanc de 10 secondes. Et après, mais ça va, hein. Sinon ça va, nickel. Mais j'ai la tête qui tourne. Tout tourne. La tête tourne. Putain, oui, c'est vrai. En fait. J'ai encore l'image, quoi, là. Je te jure, parce que je suis conscient, tu vois. Genre, cette fois-là, j'étais conscient. C'est juste, j'ai tout qui tournait dans ma tête, c'était. Et après, j'ai voulu me mettre couché sur le lit, c'était encore pire, quoi. Mais bon. Alors, tu t'es dit, je vais tourner au sol dans l'autre sens, comme tu ça. Kylian, vite, pars avec un micro sans fil jusqu'en bas d'Hilar FM. Très bien, je cours. Voilà, cours, comme ça, on va faire un petit truc en direct pour essayer d'accueillir Corentin. Tu es conscient que je ne t'entendrai pas en bas, en sachant que j'ai pas de casque. Prends ton téléphone, je t'appelle en direct. Ah, super. D'accord. Pas super. Tiens, voici le micro, voici les clés de ton bonheur. On fait un petit test. Deux. Voilà, c'est bon. Nickel. Ok, allez, il quitte le studio maintenant en direct. J'appelle Kylian via l'interface téléphonique. Ah, bah, tu vas dehors. Ah, ok. Tu vas dehors, comme ça, t'accueilles Corentin en direct en bas. comme ça, on perd pas de temps. Tu t'es pris la porte ? Non, j'ai pas réussi à prendre la poignée. Trop compliqué. Ok, il va passer à l'accueil dans quelques instants. Je vais l'appeler pour avoir une liaison avec lui, pour qu'il m'entende surtout, via le standard. Voilà, j'ouvre la porte d'entrée. Oui, merci Kylian. C'est un château, hein, c'est un château ici. Ça va, tu es en bas à l'accueil ? Alors, je suis dehors là. Tu es dehors, très bien. Je suis avec Monsieur Stockholm. Monsieur Stockholm ? Voilà, bonjour Monsieur Stockholm, comment allez-vous ? Ça va très bien, et vous ? Oh, il est là ! Oui, il est là, oui. Ah, oh, je suis trop content. Bon, il faut le laisser dehors, hein, on le fait pas rentrer. Oui, je sais, les consignes ont été données, mais... Je suis content d'être passé, hein. T'as ton micro, au moins ? T'as ton micro, au moins ? Bah oui, il est là, mais lui, il a besoin d'un fil. Vas-y, parle un peu dedans. Voilà. Oui, on l'entend pas, il fonctionne pas son micro. C'est normal, il est pas branché. Mais justement, raison de plus. Donc imaginez les deux là, actuellement devant Hilar FM en train de faire les cons là. Bon, on va vous laisser, on va aller boire un verre. Ok, on t'attend Kylian et Corentin. Oui, bah, le temps d'aller boire un verre et puis on sera là. Hein. Ok, de toute façon on va devoir installer le micro en direct, ça va être la galère. Mais bon. Oui, ouais. Bah, discutez, hein, je vous en prie, vous êtes à l'antenne. Hein. Non, on va manger un petit coup, on disait. Okay. On est en train de s'organiser ça bien tranquille. Bon, je vous attends dans le studio. En tout cas, nous, ce que je peux vous dire, c'est que on est très content d'être avec vous en direct. Il est 20h25. Déjà, tiens, j'ai même pas vu le temps passer. On va vous parler de la journée des 24, le week-end des 24 heures du Mans, c'est ce week-end, et également c'est la semaine européenne de l'énergie durable. Donc on va en faire un petit sujet d'ici quelques instants. Et Corentin est avec nous dans le studio et Kylian aussi, il est de retour. Comment ça va Kylian ? Moi ça va très bien et toi ? Ah bah oui, on s'est déjà vu en fait. Ça va, oui, ah, il paraît. Moi il en a rien à foutre. Alors donne ce micro là à Corentin et tu vas reprendre ta place Kylian. Qui veut prendre ma place ? Non, parce que Kylian il a deux micros, alors du coup il était perdu. Je sais plus dans lequel parler. Il ne savait plus où il en était. Trop compliqué la vie. Alors c'est de plus en plus mal fait ce studio. J'ai été gueulé parce que regardez juste ma place pour je situe les choses. Hein. Corentin, oui. Tu es témoin que dans ce studio, si je dois être face à la console, j'ai tout le monde de dos. Oui. Alors pour l'interaction, c'est zéro. Il n'y avait pas une table ici en plus. Il y avait une table un jour, mais. Oui, mais on l'a prise pour la loge maquillage. D'accord, ok. En fait, normal. C'est la fin de saison, en fait, on n'a plus rien. Oui, c'est ça. Pas de budget, plus rien du tout. Les studios Hilar FM sont en train de se vider de jour en jour. On vient nous voler des choses pendant la nuit. Moi, ma table, c'est un pied de micro. Hein. Normal. C'est vrai, en plus. J'adore. Bon, en tout cas, bienvenue. Mais merci. T'étais où ? T'étais okay. Où Ok, d'accord, je vois qu'on est de la même école. On voit surtout que s'il n'ose pas le dire, c'est que c'était un petit peu un endroit... le même. Ah ouais, si tu le savais Voilà. Donc, peux-tu répondre à ma question ? Et donc ? Et donc, eh bien, je n'étais pas ici. Zici ? Zici. Oui. Zici. Zici, évidemment. Oh, Zici. Et t'étais où alors ? J'étais chez moi. Pourquoi tu m'as dit j'arrive dans 15 minutes alors ? C'était chez toi et il faut savoir qu'il habite à même pas 5 minutes de la radio. Mais j'ai fait un petit détour en fait. Où ça ? Torniche. À Torniche. Pff, je sais même pas où c'est. Il était voir une petite copine. Moi je dis ça, je ne dis rien. Je disais en début d'émission, tu sais que le son qui m'a fait le plus rire cette semaine, c'est un petit peu en rapport avec le TTU, c'est quand même cet extrait de C'est pas sorcier. Oh Fred, mais t'es où ? Oh jamais, je suis là, en haut de la falaise. Coucou. c'est le petit coucou à la fin qui me tue à chaque fois. C'est juste magique. Ok, donc je te souhaite la bienvenue. On va se mettre en place petit à petit. On va faire le point sur la Coupe du Monde. On va faire le point dans la gueule à Corentin. Ok. Et on va passer un petit coup de fil à Jean-Michel d'ici quelques minutes. Ça vous va comme planning ? Ça nous va comme planning. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Hein, oui, c'est aussi. C'est aussi votre émission. Vous pouvez décider si ça vous va. C'est vrai ? Eh ben, on va manger. Eh ben, moi, je refais des chamallows. Félix Jean, tu connais ? Félix Jean, bah oui, attends, c'est mon pote, Félix Jean. Hot to touch. Trop chaud pour toucher. Non, ça c'est pas mon pote. Hein. On s'écoute ça tout de suite sur Willard FM. Nous sommes en direct. Jadoul, 20h-22h sur Willard FM. Alors, on check le micro de Kylian. 1, 2, 1, 2, test. On check le micro de Corentin. Faut peut-être le brancher, t'as raison. Tu me l'as mis où ? Oh merde, j'ai une prise qui pend. Attends, je vais... Oui, mais ça ne regarde pas les... Je vais le faire en direct. Attends, comment est-ce que je peux faire ça en direct ? Je prends le micro sans fil. Oh là là, c'est vraiment bricolage FM ici. Allez, je m'aventure sous le bureau. Alors... C'est pas la première fois. Hein. Merci Corentin, il dit que c'est pas la première fois. Quand... Ah oui, alors merde, j'ai même pas ouvert le micro de Kylian. Attends, voilà. Voilà, Jadoul est en expédition sous la table. Il est en train de visiter tous les petits recoins. C'est 30 millions d'amis ici ou quoi ? De quoi ? C'est 30 millions d'amis. Et le bonobo passe près de sa famille. C'est vraiment ça à la limite. Voilà, je suis de retour. Enfin, il était temps. Et normalement, maintenant, on peut tester en direct. Corentin est avec nous. Tout à fait. Voilà, avec son bel accent à couper au couteau. Magnifique. Hein. Allez, allez. Oh là là, mais Jean-Michel va nous faire un petit point, un petit coup de fil dans quelques instants. Je me demande juste où il sera, parce que je sens que ça va être encore complètement dingue. Alors j'ai reçu un petit message de lui. Ah. Alors il m'informe qu'en tout cas il est dans un endroit festif. Ah, je suis sûr que c'est encore une vieille boîte de nuit. Bah, du moins, à l'heure où il me l'a envoyé, il était dans un endroit festif. Hein, donc. D'accord. Ok, très bien. On va faire les news de la semaine, ça vous dit ? Oui. Oui. Oui. Oui. Merci. Si c'est intéressant, oui. Alors. Faut juste que je vous dise, Corentin est venu avec aussi sa tablette. Bien sûr. Est-ce que t'es venu avec ta cuisine, ton frigo, sa PlayStation? Oui. J'ai le frigo dans la voiture. Hein. Et donc il a un frigo dans la voiture. Bah oui. Est-ce qu'on peut aller en direct vérifier ça? Non. Voilà. Bon, c'est un projet, mais. Parce que c'est sur le parking d'Hilar FM, il suffit qu'on y aille avec un micro sans fil, on vérifie ça en direct. Hein. Mais tout a toujours été un projet, dans quelques semaines, peut-être, si tu veux. Pas encore. D'ailleurs, en parlant de dans quelques semaines, je t'ai pas mis au courant de quelque chose de très important. Ah bon ? Et quand je dis très important, c'est très important. On va faire quelque chose de complètement dingue d'ici quelques jours. Mais tout est déjà complètement dingue ici. Oui, tout est complètement dingue déjà, ça on le sait. Mais encore plus dingue que d'habitude. Et limite, je vais laisser un suspense pour essayer de te faire deviner ce que c'est. Et tu ne feras pas de détour. C'est mort. En fait, je te laisse deviner. C'est en rapport avec l'émission et la fin de saison. D'accord. Il va se passer quelque chose. Oui, mais encore. Que va-t-il se passer ? Vas-tu deviner ce qu'il va se passer ? Oui, comme tu vas me le dire. Ou au moins un indice, parce que là... Un indice. C'est un nombre d'heures de direct. On sera plus diffusé. Oui, mais comment ? Bah, sur la radio. Oui, En FM, je veux dire. Oh, toujours, ça, mais je veux dire... Mais encore plus. Oui, mais comment ? En sachant qu'on va rester à 2h de Jadoul le samedi. Comment est-ce qu'on pourrait être plus diffusé ? Sur plusieurs fréquences. Non. Ça c'est la même émission. En faisant d'autres émissions. D'autres émissions, c'est-à-dire que l'on va passer en quotidienne. D'accord. D'ici quelques jours, on va être là tous les jours de la semaine, c'est-à-dire du lundi au jeudi. Avec Corentin. Eh oui, t'es obligé de venir. Et avec merde. Corentin. Non, alors, voici un petit calendrier sur mon écran. En fait, on sera à partir... On fait le 23 une émission normale, le samedi, 20h-22h. Oui. Et après, à partir du 25 jusqu'au 28, tous les soirs en direct, 20h-22h, plus le samedi 30. Oui. Et la semaine d'après, on recommence du 2 au 5 en direct, 20h-22h. Et le samedi, le 7, qui sera la dernière émission. D'accord. Et devant la Belgique et la France entière, Carrément. Oui, carrément. On nous capte jusqu'en France. Oui. Bah via la internet. Ah d'accord, oui. Tu sais qu'on est plus écouté en France qu'en Belgique. Ah bon? Via internet, ouais. Ouais. Je te missionne de quelque chose devant tous les auditeurs d'Hilar FM. Mon dieu, c'est bien. On est trois. On est trois, t'es con. Non. Tu es notamment un petit peu le responsable de la logistique ici au groupe TMS Prod. On peut dire ça, oui. Tu as la responsabilité d'ici le 7 juillet de nous avoir une date avant le 7 juillet. Oui, oui. J'espère bien, parce que le 7 juillet, je suis pas là. Ok. Tu seras même pas là pour la dernière. Je ne serai pas, non. Bravo, bravo. Mais tu seras où encore? Tu auras encore ton nez fourgué où? Bah, chez moi. Chez toi? Bah, je dors. Tu vois qu'il y a pire que moi, je le savais. Non, je suis sûr qu'il a quelque chose, mais oui, il ne dit pas. Voilà. Chose. Oui, il a quelque chose, il a un match de foot à regarder. Tu dois, d'ici le 7, nous organiser une émission en public. Oui. Mais comme ça peut pas se faire ici à Hilar FM, d'accord. Ni devant chez toi, ni devant chez toi, ni dans ta Mercedes. D'accord, moi dans mon Audi alors. Dans ton Audi. Le mec est insupportable. Et encore, il s'est arrêté à deux, hein, mais il pouvait dire les quatre autres. Tu dois nous trouver un endroit. Est-ce que 12 mètres de long, ça vous va? Tu dois nous trouver un endroit. Donc un endroit où il y a des places assises. Oui. Où on peut organiser une émission en direct et en public. Oui. Où on peut faire évidemment la diffusion. Oui. Ta musique est stressante. Hein. Bah c'est le but. Ah pardon. Et il faut qu'on puisse faire tout ça évidemment avant le 7. D'accord. Est-ce que 12 mètres de long ça vous va? 12 mètres de long, non, pas une limousine. Ah merde. Je le lis dans tes pensées. Donc tu nous trouves un endroit, une salle, peu importe, un amphithéâtre, je sais pas, quelque chose. Ouais, on va essayer, oui. Attends, on va essayer. Si on sort du contexte. Oui. Il doit nous trouver donc un endroit, une salle. Oui. Avec quelque chose de 12 mètres de long. Non, c'est lui. Et on va regrouper. Restez colis, les enfants. Il y a des gens qui nous écoutent quand même. Non. Donc, est-ce que tu prends le défi aujourd'hui en direct? Je rappelle que Corentin peut organiser vos événements. cs-event.be cs-event.be. Donc, si... Ça fait une bonne pub. Oui. Donc... S'il arrive à relever ce défi-là, ça prouve que CS Event est est quelque chose de fiable. Mais sur lequel vous pouvez compter pour vos événements. Et dans le cas contraire, on fera de la mauvaise pub tous les soirs. Je retiens. Ok, tu prends le défi? Bah, j'ai pas trop le choix, mais oui, je vais essayer en tout cas. Ok, ça va. On peut maintenant passer aux news de la semaine. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Ça se passe à Bruxelles. Est-ce que tu étais à Bruxelles récemment, Corentin? Absolument pas. Est-ce que tu étais à Bruxelles récemment, Kylian? Alors, pas du tout. Ça fait très longtemps que j'y ai plus été, d'ailleurs. Ok, d'accord. Je vais vous dire une news complètement improbable, c'est une news insolite. C'est une femme qui accouche dans un taxi bruxellois. C'est complètement dingue. Bon, ça arrive des fois, mais c'est juste, il faut se mettre à la place du taximan. Le chauffeur a cru qu'elle parlait à une personne à l'intérieur du véhicule, mais en fait, au final, la femme était réellement en train d'accoucher. Donc, c'est-à-dire que ça a fait... oui, mais il est là, il est là. Mais à qui elle parle, celle-là? Mais non, il est là, je vois sa tête. Donc, il vient. Ça doit être complètement dingue, mais je pense que Jean-Michel a un petit rapport avec ça. Je vous propose qu'on l'appelle, je sais pas du tout où il est. Je suis très très très inquiet car on n'a pas eu de nouvelles de lui durant toute la semaine. On va découvrir en fait tout en direct. J'espère que ça va bien se passer. Et Kylian, est-ce que t'as eu des nouvelles de lui? T'as eu un SMS, je un pense. Un petit SMS, oui. Qui disait qu'il était dans un endroit festif, oui, maintenant. Exactement, je sais pas où il était. Oui. D'accord. J'ai peut-être un enregistrement vocal de lui. Non. Non, non même pas. Non. D'accord. On va essayer de l'appeler. Soit dans un instant, soit maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je te donne libre choix de choisir. Ah, c'est facile ça. Oui, c'est facile. Très facile. Trop facile. C'est petit. Okay. C'est petit même. Mais écoutez, on va tenter tout en direct. C'est aussi ça la magie de cette émission. Je vais essayer de l'appeler. C'est parti, on l'appelle. Allô, Jean-Michel? Jean-Michel, je vous reçois. Je sais pas si la liaison est faite. Est-ce que vous êtes là, Jean-Michel? Allô? Allô? Oui. Oula, vous êtes où là? Je vous entends pas bien, hein? Vous êtes où? Alors là, je suis en Russie. En Russie? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites en Russie? Alors je suis dans les stades, hein? Tantôt j'ai regardé le match de la France. Je vous entends pas bien, hein? Ouais, ben moi non plus je vous entends pas bien. Est-ce que... Merci. Oui. Oui, juste vous pouvez me dire... Qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous regardez les matchs? Oui, en fait, je suis en train de supporter les équipes et je pique en même temps, hein. Jean-Michel, merci, calmez-vous. Ça va nous coûter une blinde si on vous appelle jusqu'en Russie. Oh non, c'est rien ça. C'est Jean-Doul qui me téléphone. Ça va nous coûter cher ces conneries. Attendez, Jean-Doul, je suis en train de parler avec mes amis là. Non, je disais Kalachnikov, je suis en train de parler avec Jean-Doul de l'émission Jean-Doul 20h, 22h. C'est qui vos amis? Hein? Alors là, il y a Paul Yokov, à côté il y a John Yotkov, et puis devant il y a Respastuf. On dirait une chanson de Luis Fonsi. C'est possible, hein, c'est de leur famille, je crois. Ouais, on va gagner, hein. C'est insupportable. Pour quelle équipe vous tenez? Alors, ben, je ne sais pas, moi je viens pas pour voir les matchs, je viens pour bicoler, moi. On a ici dans le studio un membre de l'équipe qui fait partie de la Croix-Rouge, qui peut nous dire les dangers que c'est de boire en pleine chaleur dans un stade. Il va vous toucher un mot de tout ça. Qu'est-ce qu'il dit? Merci Jean-Michel. Oui, mais Jean-Michel, ne nous quittez pas. Allô? Écoutez-le. Alors, très bien. D'abord, premièrement, très dangereux de boire pour la santé, hein. Mais non, ça va, on gagne. Merci Jean-Michel. Je vous écoute, hein. Voilà, l'alcool est très dangereux pour la santé, faites très attention. Boire ou conduire, hein, faites un choix, mais pas les deux. Mais en plein soleil, ça peut être dangereux, ça déshydrate. Oui, bah bien sûr. Voilà, donc Jean-Michel, faites attention à vous, hein. Oui, je fais attention, vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça, ouais. Fais surtout attention à ne pas être déshydraté, hein. Il y a la Julie Niakov. Je reviens, je vais aller Niakover. Ok, bah bon amusement. Oui, hein, des bisous, hein. Merci bien Jean-Michel, on l'a sorti de l'antenne, c'était juste insupportable. Et puis portable, oui. Non, on peut pas le porter même à trois, Jean-Michel, il faut une grue pour le lever. Non mais... Petit coup de Jean-Michel. Il a picolé, mais c'est plus qu'un petit coup qu'il a pris. Voilà. Donc Jean-Michel était en ce moment en Russie. Et en parlant de Russie, on va faire un petit point info sur tout ce qui se passe là-bas. C'est notre petit dossier Coupe du Monde. J'ai pas fait de jingle car ça sert un peu à rien. Et puis le foot, c'est pas ma tasse de thé. Et à Corentin non plus. Quoique, Corentin, qu'en as-tu pensé du dernier match? Ah, mais très très bon match. On sait que t'es fan de foot. Ah, ben bien sûr. Moi, je supporte beaucoup, je connais tous les joueurs par cœur. Ah, ben ça va, cite-moi en trois. De la France, par exemple. La France, Kirikou. Qu'est-ce que c'est que ces noms? Omar Sy. Oh, ben rien. Jean Semoun. Voilà. Gad Elmaleh. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Vous avez choisi quand même la seule émission où on vous propose tout ça sur le même plateau. Donc, c'est un plateau argenté carrément qu'on vous propose ce soir. J'espère que vous passez un bon moment. En tout cas, nous sommes en direct avec toute notre équipe et on va tout déchirer ce soir. Kylian, t'es chaud pour les news? Oui, je suis chaud pour les news. Ah bah c'est parti, on se fait ça juste après la musique sur LRFM. Et il est en train de faire yes, parce qu'il est pas c'est prêt. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il est juste pas prêt. Voilà, on va s'écouter tout de suite. Oula, encore un peu, je lançais le titre de la cassette de Jadoul. Ah bah bravo. Je suis complètement dingue. Bah on peut la lancer, tiens, pour faire rejouer les... Voilà, alors on va vous auditeurs. Rappeler la... Oula, merci. Est-ce que tu peux éviter de mettre la cassette quand je parle, oui, Kylian, bah, excuse-moi, s'il te plaît. Hein, ça arrive. Ça arrive, comment ça, ça arrive? Bah, j'ai le doigt qu'à flancher. La cassette de Jadoul de cette semaine, c'est celle-ci, on vous propose de l'écouter. Oh, oh, oh, you love me, think this is your love someday, yeah. Je sais pas, donc c'est à vous de trouver. Une idée, Corentin ? Absolument pas. Ok. Kylian, une idée ? Oui. Ah, Hudson Baby. Ok, merci. Bah, c'est pas voilà. ça. C'est résumé. Ah bah. On s'écoute I Feel Like a Woman de Chinatown. Rien ne va plus. C'est une catastrophe. Je vous le dis, j'ai écouté la musique. Et juste, je détourne mon regard car il faut savoir que toute cette bande de bras cassés est derrière moi, dans mon dos. Et en fait, il s'est passé quelque chose de dramatique. Menteur ! Et pour ça, ça mérite un garde à toi. Corentin, peux-tu venir ici à l'antenne ? Oui, oui. Voilà, avec le micro allumé, c'est toujours mieux. Effectivement. Déjà, parle plus fort quand tu nous parles. Oui. Et... Je monte le volume de mon micro. Voilà, non, non. Non, parce que sinon ça fait une voix grave, on a l'impression que tu parles. Mais alors, ma vie ne va plus du tout. Ici la voix. Ici la voix, même pas. Figurez-vous que tout à l'heure j'ai dit à l'antenne, oh, il est même venu avec sa tablette. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il a sa tablette ? Car le mec, bon, donc je faisais mon émission, et je me suis dit, ouais, il a l'air super concentré, il doit rechercher des trucs de dingue. Mais en fait, le gars était tout simplement sur Candy Crush. Non. Non, non, c'est pas Candy Crush, c'est Garden Scape. C'est juste pendant la pub. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, en sachant que c'est le responsable technique, as-tu fait ton travail en recherchant ce que je t'ai demandé ? Tu m'as demandé de chercher quoi ? Pour les casques. Oui, j'ai commencé à chercher, mais... c'est en cours. Voilà. C'est en cours, mais c'est j'ai ça. J'ai plusieurs pistes et voilà, maintenant, il faut que je dois encore comparer quelques trucs et d'accord, tout ça. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. On va se faire tout de suite notre petit point info sur la Coupe du Monde. Vous êtes nombreux à avoir suivi ça dans cette fin de semaine. Donc, est-ce qu'on peut y passer, Kylian ? C'est ma question. Oui, on peut passer aux informations. Je suis prêt. C'est bien. Oui, je suis prêt aussi. Allez, c'est parti, on passe à notre dossier Coupe du Monde. Je t'en prie. Ah bah ok. C'est juste le bed hein. Ah oui ok. Je crie que tu mettais un jingle. Ok, pas de soucis. Donc la Russie a donné le top départ de son mondial au Luniki. Je sais pas comment ça se dit. C'est nous non plus. Ah d'accord. Donc Luniki Stadium de Moscou. D'ailleurs c'était le chanteur britannique Robbie Williams et la soprano russe de diverses chaînes ne savait même pas qu'il allait parler hein. Donc, ah oui oui. Donc c'était assez surprenant. Mais on va parler directement du match donc de la France donc samedi pour le compte de la première opposition du groupe C de la Coupe du Monde 2018. L'Australie jouait au Kazan Arena pour y affronter la France. La formation française s'est imposée 2-1 grâce à des buts d'Antoine Griezmann sur pénalty et de Paul Pogba contre une réalisation de Mil Jedinak sur pénalty. Après ce résultat, la France s'installe à la première place du groupe C et la sélection australienne à la deuxième. Pogba a fait basculer le match en faveur de la France à la 80e minute sur une passe de Giroud. Griezmann avait ouvert le score sur pénalty pour la formation française à la 58e minute suite à une faute de Josh Richardson. D'ailleurs, je vous préviens que la faute n'avait pas directement été vue par l'arbitre. Elle était remarquée par les caméras. Qui ont contesté cette faute et donc qui a permis à la France de marquer ce premier but qui n'avait pas été vu juste avant. Donc, ce sera tout, oui, encore. Ce sera tout pour moi. Comme l'émission. Il n'y a pas plus ? Non, la Belgique joue lundi, donc à ne surtout pas oublier. Donc voilà. Si vous voulez, je peux vous dire les classements pour l'instant. Rapidement, vite fait. Rapidement. Si tu sais nous les avoir. Corentin, mais on est tous les deux pas fans de foot. Tout à fait. Mais c'est vrai que. Dès qu'il y a la Belgique qui joue, on aime bien juste savoir s'ils ont gagné, au moins. Oui, voilà. Voilà. Bon, on a un grand écran, par exemple, en ville, on va pas aller forcément le voir. T'as été le voir ? Non, non. Bah, moi, j'étais le voir. J'y vais lundi. Ah, toi aussi ? Ben, oui. Mais t'y vas avec qui ? Je travaille. Ah voilà. En mode... C'est ça. Ok, d'accord, je lui ai fait un geste et on s'est compris, c'est essentiel. Ils sont classés comment, alors, les Belges ? Alors, les Belges ne sont pas encore classés, sachant qu'ils n'ont pas encore joué de match, mais ils sont dans le groupe G. Ils joueront donc contre le Panama vendredi, lundi. Le Panama, c'est pas une banque ? Ah non, pardon, je me suis trompé. Paribas. Non. BNP Panama. Non. Le premier match de la Coupe du Monde avait été donc la Russie et contre l'Arabie Saoudite. Donc, ce match s'était plutôt bien déroulé pour pour l'équipe russe, donc chez qui se déroule justement cette Coupe du Monde, qui a gagné 5-1. Elle finit donc en tête avec l'Uruguay, avec 3 points du groupe A. Ensuite, le groupe B avec 3 points, c'est l'Iran qui est en tête du groupe, devant le Portugal, l'Espagne et le Maroc. Et puis aujourd'hui, nous avons eu donc la France qui a gagné, ainsi que le Danemark, donc ils gagnent aussi les 3 points, ils sont en tête du groupe C. En tête du groupe 1, bah pour l'instant, il y a l'Argentine et l'Islande qui ont fait un nul. Donc voilà. Ok, très les bien. Les n'ont pas encore été donc, joués. Je suis juste fan de ton bel. Hein. Ah. Je le trouve pas mal. Il a été bien fait tout à l'heure en préparation. Ouais, je sais, c'est bien. En tout cas, t'es même pas là. Il est même le gars. D'habitude, il vient tous les samedis, il vient préparer l'émission. Et cette semaine, on l'a même pas vu une seule fois dans les bureaux. Oui, bah monsieur, j'ai été chercher mon maillot de la Belgique. Hein. Et je ne dis pas pour qui je supporte, pour quelle équipe je supporte. Ok, très bien. Mais ce que je peux vous dire, c'est donc que la France a gagné. La France a gagné, oui. Et la Belgique ? Bah pour l'instant, elle n'a pas gagné vu qu'elle n'a pas joué. On suivra ça de près. Hein. Mais elle va gagner. Ce sera tout ? Ce sera tout. Ok, c'est bien. Ah, bien. Non. J'allais pas le relancer encore une fois. On est un petit peu. Mais Corentin est là, donc. Donc. C'est tout ce que j'ai. Un message de Laurent Ruquier pour Corentin. Les hommes aiment votre poitrine. Voilà, le message est passé. Pardon. Mais comme ça c'est dit, écoute, voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on s'écoute un titre. Un titre dont on est fan tous les deux. Oui. Est-ce que tu peux le lancer? Alors là voilà, on quitte complètement l'antenne. On quitte complètement l'antenne. Non, je suis technicien quand même, tu peux demander de faire quelque chose. Oui, là, hein. C'est Corentin de 20h à 22h. Oh, ok. Allez, le carnage. Moi, je quitte l'antenne, c'est parti. Ilar FM t'appartient d'ici les 30 prochaines secondes. Magnifique. Et c'est quoi donc le prochain titre qu'on lance? Ah oui, du coup, bah. Voilà, c'est Oshi. Hein, donc, mais je ne sais pas. C'est le. Man, feel like a woman. Voilà, j'ai un. Ah non, merde. Putain. Ok, donc c'est Oshi ta marinière. Et c'est parti sur Ilar FM. Ah ok, ça se lance pas tout de suite. Ah, c'est lancé. Derrière ton miroir. C'était Oshi à l'instant sur Hilar FM. Passez une très très très belle soirée sur Hilar. Hilar, c'est bien le nom. Ça vous plaît de toute façon Hilar FM. Bon. Je sais pas comment le prendre. Vous êtes dans l'émission, c'est le 20h-22h qui est là et qui vous accompagne et qui ne vous lâchera jamais. Jadoul, 20h-22h sur Hilar FM. Alors, la voix off que vous avez entendue là, maintenant, tout de suite dans le jingle, il a quelque chose à nous dire. Il m'a envoyé un fichier que je dois diffuser, mais je ne l'ai pas ouvert. Et franchement, même si j'en brûlais d'envie, par respect, par amitié, je ne l'ai pas écouté. Et je l'ai là, sur le cartoucheur. Et je ne l'ai pas entendu du tout. Je suis très inquiet de ce qu'il y a dedans. En principe, c'est pas censé être méchant, c'est pas censé être gentil. Enfin, je sais pas ce que c'est. Donc, on va le découvrir dans quelques instants. Mais d'abord, on téléphone à notre Jean-Michel qui se trouve en Russie pour la Coupe du Monde. Je vais essayer d'avoir son numéro de téléphone. Kylian, est-ce que tu... plutôt Corentin, est-ce que tu peux pas prendre la place de Kylian au standard pour lancer son numéro de téléphone, s'il te plaît? Si, oui. Ok, allez. Je t'ai même pas allumé ton micro, je suis super sympa, moi. Ah, ok, super, génial. Ah, il est pas disponible? Qu'est-ce qu'il y a, Kylian? Si, non, mais je l'ai toujours, moi. Ah, ok. Le numéro, je peux te l'envoyer. Mais je pensais que t'étais aux toilettes, moi. Ah non, non, je suis revenu entre temps. D'accord, en fait, je t'ai pas vu. Rapide mais efficace. Le problème, c'est que je vous le dis, je suis face à ma console, ils sont dans mon dos, je ne les vois pas. C'est le problème. Il est gentil, m'oublie. Je suis trop sympa. Je l'envoie. Oui, est-ce que tu peux me l'envoyer? C'est gentil. Ouais. Allez, ça sonne, j'espère qu'il va décrocher assez rapidement, car on a besoin de lui dans cette émission. Est-ce qu'on peut entendre la sonnerie? Au moins, ce serait déjà bien. Corentin, ça sonne ou pas? Je pense que ça sonne. Ah oui, oui, voilà. C'est moi qui suis un peu bête et qui n'a rien entendu. Allez, j'espère qu'il va être avec nous en direct. Allô? Allô, Jean-Michel? Oui? Qu'est-ce qu'on entend là derrière vous? Allez, en fait, je suis au commissariat. Mais qu'est-ce que vous faites au commissariat? Mais en fait, j'ai un petit peu vu. Alors du coup, je me suis mis tenu dans la file, dans la foule. Et puis, au final, ils m'ont arrêté. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Non! pas parler téléphone comme moi parler à toi. Vous avez été arrêté par la police russe. La police russe, oui. Ah. Mais ils font peur. Vladi, reviens. Vladi, pas parler, Vladi. Parlez bien de Vladi. Ils vont faire bobo. À moi. Non. Mais passez-moi un policier, je vais leur parler. Tenez, mon ami veut vous avoir au téléphone. Parle-moi ça. Non. Oui, allô. Allô. Vous avez mon ami Jean-Michel ici dans votre commissariat. Quel problème? Eh ben le problème c'est qu'on en a besoin, il travaille avec nous à la radio, enfin il participe. Pas parler quand l'hymne national est en direct. On entend une navette. Slavia, on tient ce qu'est-ce que tu as dit? Bonne nuit. Non. Pas parler quand moi écouter l'hymne national. Moi pas comprendre ce que vous dites. Toi foutre ma gueule. Toi avoir beaucoup de problèmes, mon ami. Beaucoup de problèmes. Et quoi? Bah oui. Polyakov, viens. Ne faites on rien. On va aller voir, ami. Ne faites rien à Jean-Michel, s'il vous plaît. Non. Jean-Michel, gentil. Nettoyez chaussures à moi. Très bien. Passez-le-moi un peu. Repassez-le-moi, merci monsieur. Oui, mais Jean-Michel, qu'est-ce que vous avez fait pour vous faire arrêter à part vous mettre nu? Moi, je descends sur un policier qui était en bas du stade. Mais pourquoi? Bah parce que je devais uriner. C'est pas possible. Et puis j'ai beaucoup. Mais c'est des chants russes qu'on entend derrière vous dans le commissariat? Mais oui, ils ont mis l'hymne national là, ici, c'est en boucle. Hein. Ah, et on peut pas l'entendre un peu de plus près? De plus près, ben, je veux bien m'approcher du poste, hein. Je vais essayer de ramper à quatre pattes jusque-là. Mais normalement, je vais serrer leur pompe avec ma langue. Hein. Avec votre langue? Attendez, je vais leur donner le téléphone. Vous ne pouvez pas prendre le téléphone pour faire écouter votre hymne national. Bah, on peut peut-être faire ça. C'est la tristesse absolue. Oh là là. Ben merci beaucoup en tout cas pour cet appel. Enfin, c'est nous plutôt qui avons appelé, mais c'est pas grave. Ben on vous souhaite du courage. Moi, m'occuper très bien votre ami. D'abord, recommencez hymne national. Yo, Bogusaya voilà. On va mettre fin à l'appel. Vous allez libérer Jean-Michel d'ici combien de temps? Jean-Michel, tant que serrer mes pompes, après sortir d'ici. D'abord, attendez. Jean-Michel, si vous m'entendez, arrêtez de serrer les pompes de ce policier. Mais j'en peux pas. Non, c'est toi, continuez à lécher chaussures, très bien. Mais pourquoi chaussures brillées. Pourquoi tu ne peux pas continuer? Pourquoi tu peux pas t'arrêter, Jean-Michel? Bah parce que si je m'arrête, ils vont me faire bobo. Mais non, regardez. Tais-toi, pas parler. Arrêtez un petit peu, vous allez voir, ils vont rien vous faire. Bah non, ils sont en train de me crier dessus, hein. C'est pas grave, plus, résistez. Vous êtes la force belge, vous représentez le pays. Résistez. Oh, force belge? Non, Vladimir, patron, général de tous les mondes. Général pays, Tour. Europe, pays, Amérique, pays de l'ours. Oui, bah Jean-Michel. Jean-Michel. Vladimir, patron. Cessez immédiatement de faire ce qu'ils vous demandent. Vous allez voir, ils vont rien vous faire. Ils ont déjà tapé quelqu'un et leur foutu au fourneau, hein. Mais non, ça se trouve, c'est quelqu'un de chez eux, c'est juste pour vous faire peur. Arrêtez, je vous le dis, vous allez voir, il va rien se passer. Quoi? Rigoler? Tu vas voir, moi, amuser avec Jean-Michel. Non. Oh merde, on l'a perdu. Oh non. Ah, il est parti de l'antenne, c'est vraiment... On sait pas ce qui va se passer avec Jean-Michel maintenant. On sait pas. On va l'appeler d'ici 22h, mais voilà, 21h08, peut-être bah, l'acte si de décès. S'il décroche encore, parce que... S'il décroche encore, je sais pas comment ça va se passer. Kylian, tu connais un petit peu la police russe? Alors pas du tout, j'ai pas eu de soucis, je me suis pas mis tout nu dans un stade. Donc... Et puis t'as jamais été en Russie. Non, non plus. Donc par la même occasion, ça ne te dérange pas. Bah voilà. Si, de me mettre tout nu, oui, mais pas d'aller en Russie. En tout cas, je croise les doigts pour que Jean-Michel s'en sorte et pareil, qu'il ne reste pas esclave, car on a besoin de lui. Parce que s'il n'est pas là, qui pourra rentabiliser ce son et... Hein, qui le fera? Et qui va nettoyer mes chaussures? Oula, on a peut-être la relève de Jean-Michel. Ouais. Je vais juste, on fait des essais en direct, casting en live. Attention, on y va. Prise 1, Corentin Stock joue Jean-Michel. Jean-Michel, vous êtes avec nous? Bah oui, une fois des... Comment ça se passe à Liège? Oh bah ça va, au bois, ça va bien. Et Jean-Michel, comment va votre femme? J'arrive, j'arrive. Votre femme Nicole, comment elle va? Oh bah ça va, dis. Elle reste à la maison pendant que moi je bois au café, dis. Je suis désolé, ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. Bon, Kylian, est-ce que tu valides ou pas ce nouveau Jean-Michel? Bah disons que c'est un Jean-Michel qui ne vient pas du même côté que Jean-Michel. Est-ce qu'il est ou un belge avec un accent comme ça? On dirait un espèce de mi-tunisien, mi-belge. C'est un mélange. On dirait un peu quand les Français parlent, essayent de parler anglais. Oh non, on dirait un Carolo en fait. Un Carolo. Bah oui, une personne qui vient de Charleroi. Bah oui, un Carlo. Un Carlo, un Carlo. Vas-y, avec l'accent de Charleroi. Mais je ne sais pas du tout à quoi ressemble la chanson. Bah tu parles avec l'accent. Tu refais l'accent que tu l'as fait. Tu refais l'accent que t'as fait. Regardez une fois. Le une fois. Alors qu'on mette fin à ça, le une fois n'existe pas. N'hésite pas à ne pas couper la sonnerie de ton téléphone bien en sûr, direct. Il y a une fois l'iPad, une fois le téléphone. Écoutez, ce qu'on fait, t'as un iPad? Bah oui. Tu me trouves un Belge sur un numéro n'importe lequel, on l'appelle et on demande si on dit une fois. Tu appelles du côté de Liège, d'accord? Ah oh bah oui, il y a des une fois. On va prendre un Liégeois, c'est un Carolo. Je suis très bien, il va se casser la tronche, je suis très bien. Comme ça, on va essayer de trouve-nous un vieux prénom, un truc où on s'en sert personne âgée. Non, Jean-Michel. Un Jean-Michel. On va appeler un Jean-Michel à Liège. Ah là, ça va être juste dingue. Ouais, il faut absolument qu'on arrive à trouver ça. Ça va être juste génial. Est-ce que tu sais nous trouver ça, Corentin, d'ici la fin de l'émission? Bien sûr, hein, des... Ok. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez inverser vos places, comme ça vous allez avoir plus simple. Et nous, on va se retrouver juste après. On va lancer une petite musique, comme ça on est plutôt bien. Il n'y a pas eu beaucoup d'actu aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai ça. On va en faire dans quelques instants, comme ça on va en avoir. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être rappeler la cassette de Jadoul? Oui. Allez, je vais dire oui. Oui, on fait carrément avec un jingle. Tu fais ta vie, hein. Merci beaucoup pour ce soutien. C'est généreux. C'est très généreux, effectivement. Merci Jean-Marc. À la place où je suis ici, je vois bien ton dos. Avant, je te voyais de sur le côté, là, je vois carrément ton dos. Là, c'est nickel, hein. Bah oui, c'est nickel. Allez, on va passer donc au. Ça s'appelle comment déjà la séquence? La cassette de Jadoul. Ah, j'avais oublié quoi? Je viens de me prendre un coup de jus. Oui, c'est normal, ils sont alimentés en fantôme. Mais tu es fou. Bah quoi, celui-là il a besoin de courant. Ah oui. Ah donc et voilà. Même normalement t'es pas censé. J'ai un coup de jus sur les lèvres. C'est normal, c'est le micro de Corentin, Kylian. Non, mais il y a que lui qui se prend toujours des coups de jus. C'est lui qui a un c'est problème. C'est vrai qu'il a jamais avis. De chance. C'est le seul qui se prend des coups de jus, quoi. Vous savez que c'est le seul qui peut s'exploser un store dans un train, car il va pas savoir à quel niveau ça s'arrête. Donc on était dans un train de deux étages, et à l'étage, les espèces de rideaux, ils descendent qu'à la moitié de la fenêtre, étant donné que la fenêtre est courbée comme ça. Ça s'arrête qu'à la moitié. Attendez, je pense qu'il n'y a plus aucun des micros qui fonctionne. Un, deux. Ça va. Ah oui, en fait, vous êtes très bas maintenant, je sais pas ce qui s'est passé. Oui, j'ai pris tout le courant sur les lèvres. Je te jure, ça fait méga mal. Il a déchargé la console. J'ai vu un petit éclair. Ok, bah c'est bien, Claude. François. Alors. Non, parce qu'il serait pas là pour te le dire. Ok. Qu'est-ce que je disais? Donc, oui, dans le train, lui, il voyait pas l'arrêt du rideau. Donc, mm-hmm. Il tire comme un bourrin en pensant que ça allait jusqu'en bas. Et alors, ça fait. Et en fait, il a explosé ses doigts sur la ventilation car il a lâché le rideau et il a foutu ses doigts dans la ventilation du doigt. C'était complètement. Il avait mal, je pense. Mais ça a été après. Oui, ça a été. Ça a été, allez, c'est ouais, parti. C'est juste que tout le monde s'est retourné pour regarder ce que c'était. On passe à la cassette de Jadoul. En quoi consiste la séquence, Corentin? Je sais pas. Merci. Ça prend des coups de jus quand tu essayes de parler dans un micro. Allez-vous deviner le son de la semaine? Oh oui! C'est la cassette de Jadoul. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la cassette de Jadoul, j'espère que vous allez deviner tout de suite l'extrait qu'on vous passe. Corentin, c'est à toi de lancer la cassette. Aïe, merci, il faut pas me la lancer dans la gueule. Tu peux la mettre dans le magnétoscope et on y va, c'est parti. Ah, c'est à ça qu'elle sert la boîte. Oh là là, l'accent. Carlo, là. Ça y est, ouais, le vieux Carlo qui se réveille. Non, non, il faut dire Carlo parce que lui, il loupe les mots. Bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez, c'est parti. Hop, je mets la cassette. Merde. Attends. Voilà. C'est parti. Oh! Je sais pas, donc à vous de trouver, j'espère que vous allez trouver maintenant en direct. Et moi j'ai tapé dans le micro, je pensais que mon micro était éteint. J'ai fait toc toc, juste pour voir si je pouvais encore me prendre des coups de jus. Déjà c'est quelque chose en radio qui se fait pas parce que c'est des micros qui coûtent cher, donc on n'abîme pas les membranes mais non, en mais faisant... Vu que je me prends un coup de jus, vu que je me suis pris un coup de jus, je voulais pas que ça se reproduise, alors j'ai regardé s'il y avait encore un peu d'électricité statique. D'accord. Dessus. Alors je tape dessus mais j'avais pas vu qu'il était resté allumé. Donc ce que vous avez entendu... Sur le son, ça fait pas partie du son. Donc, à vous de nous deviner. Si, faut dire oui. À vous de deviner ce que vous avez entendu en nous appelant tout simplement au numéro suivant. Le plus 32. Appelez le plus 32 49 9 15 75 pour réagir et participer en direct à l'émission. 32 49 9 15 75. Voilà, on est à fond sur le numéro de téléphone. Corentin, en solo, le numéro de téléphone. Plus 32 et les autres lignes derrière. Merci. Voilà. 49, 9, 15, 75. Tu donnes la réponse. Mais oui, parce qu'il ne le sait pas. 75. Tiens, va les embrouiller. On va te donner embrouiller. Une carte avec le numéro. Là. Il est dessus, tu peux pas le louper. T'imprimes. Alors maintenant, Corentin, pour nous, en exclusivité. Ça rentre pas. Ne le rentre pas dans ton oreille, ça n'ira pas. Je te laisse nous le lire en direct dans le plus grand des silences. Et toute l'attention est sur toi. Va-t-il se tromper, oui ou non? Et donc le numéro est le plus 32 499 18 60 18. 18. C'est pas ça? Si, mais là. Mais non, attends, réécoute le monsieur. Appelez le plus 32 49 9 15 75. Plus 32 49 9 15 75. Redis ce que tu as sur ta carte. Mais en plus 32 499 18 78. Quoi? J'adore. Montre ta carte, il y a un bins. En fait, quelqu'un s'est amusé à transformer les 5 en 8. Alors du coup, les 5 sont des 8. Ah d'accord, donc du coup c'est le plus 32, 499, 15, 75. C'est ça. C'est ça. Vous pouvez dire à Jean-Jacques d'arrêter de faire ses essais de piano là en direct? C'est quoi ces espèces de vieux sons de piano? Oh là là, quelle horreur. D'ailleurs, Corentin. Oui. Tu as un petit solde à nous régler. Ah bon? Avec la boîte au gros mot de Jadoul. On ne l'a pas oublié. On ne va pas y échapper d'ici la fin de la saison. Le 7, on fera les totaux. Et allez, je rajoute un bonus. Mm-hmm. J'annule tout ce que tu dois à la radio en termes de gros mots. Oui. Donc je ne sais pas combien de fois 5 euros. Si tu arrives à nous organiser cette émission en public d'ici le 7. D'accord. Le 7 juillet. Ok. C'est possible? Ah, j'espère. Je te fais confiance. On va essayer. Ok. Ça, c'est le on va essayer. Ça veut dire si j'y pense entre deux trucs. Non, j'ai vraiment envie de le faire. Donc, je compte sur toi. Ça marche. Ok. Ça va. J'espère que la pression est assez forte sur tes épaules. En tout cas, nous, là, on est bien. On est très, très bien. Et d'ailleurs, ce qu'on va s'écouter tout de suite, c'est la canicon. Non, la canis. La... Ça, tout de suite, en direct. J'ai abandonné. Alors, Corentin. Oui. On s'était lancé un défi il y a quelques minutes. Tout à fait. Peux-tu me le recontextualiser? Donc on va appeler des Jean-Michel hein, qui viennent de diverses régions de Belgique. Parle un peu plus fort, oui. Et pas trop près du micro parce que tu vas prendre un coup de jus. Lui on a changé de place. Hein. Donc on va appeler plusieurs Jean-Michel qui viennent de diverses régions de Belgique. Hein, oui. Pour leur demander si une fois des ça se dit ou pas. Ah oui, voilà, c'est ça, j'avais déjà oublié. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ça en place et tu as déjà 3 numéros de téléphone. Tout donc c'est nickel. Et donc c'est tout des Jean-Michel. C'est tout des Jean-Michel. Et là, le premier qu'on appelle, c'est du côté de... De Liège. De Liège. De Liège. De Liège. J'ai déjà été avec qui de vous deux à Liège? Avec moi. Avec toi, Corentin. Ah, c'était cool, ça. C'était vraiment génial. Plusieurs fois, même. Oui, plusieurs fois. Deux fois. Une fois pour The Voice, une fois pour le Grand Cactus. C'était vraiment pas mal. Ouais. D'ailleurs, l'émission sera retrouvée sur TMS en août. Moi aussi, j'ai déjà été à Liège. C'est pas pour la même raison. Non, on va peut-être pas le dire à l'antenne, tu pourras avoir des problèmes. Ok, dites-moi, c'est moi ou mon casque il est bizarre? Ah oui, c'est normal, c'est un casque. Moi j'ai enlevé le mien, donc je ne saurais pas te le dire. Allez, je vais appeler tout de suite le numéro, il faut pas un préfixe, hein, c'est bon? Non, c'est vrai. Je compose moi-même dans le standard, si j'ai compris, c'est moi qui fais tout. Il manque de chiffres. Hop là. C'est pour toi. On va les appeler en direct. Hein. Oula. Ok, le numéro n'existe pas. Ah. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Il y a peut-être des mal tapés. Hein. Mais c'est pas grave, j'en ai un autre sur Liège toujours. Voilà, je vous laisse me le composer. Hein. Venez ici au standard pour pouvoir me le composer. Comme ça vous me le faites. Comme ça je n'ai pas ça à faire. Kylian, peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est les 24 heures du Mans? Alors, les 20. Exactement. C'est ce week-end en plus. Exactement, je n'ai pas la définition, mais c'est des courses de voitures qui durent matin et soir sans s'arrêter de tourner. Donc ils tournent. En rond. En rond. Et parfois ils ont la tournée, mais ça va. Ok, très bien. Voilà, comme ça c'est fait. Est-ce qu'on a le suivant numéro de téléphone? Oui, j'espère que j'ai bien composé. Ok, allez, c'est parti. Si on c'est appelle ça, un Jean-Michel. Et c'est du côté de où ça? C'est de Liège toujours. Liège, ok. Allez, c'est parti, on y va. Tu parles de gaufres aussi. Mais il manque des numéros dans vos trucs là, c'est pas possible. Bah écoute. Bon, allez, on les enchaîne en direct. Hein. C'est ça aussi la magie. Bon, allez, on va essayer alors Charleroi. Charleroi, allez, on va du côté de Charleroi. Je vais mettre le préfixe, tiens, vers la Belgique parce que sinon ça peut peut-être ne pas passer. Hop, 36, 43. Et je ne dirai pas les deux derniers. 99. Mais qu'est-ce que c'est que ces numéros? Il y a peut-être dedans, je sais pas moi, les mots qu'on cherchait. En plus, c'est même pas en français les répondeurs belges, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'es sur les pages jaunes, les pages. Page blanche est en bleu. D'accord, ok. Oui, les pages blanches sont bleues. C'est un petit peu la particularité de la Belgique. Personne n'a jamais compris pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Je te laisse trouver d'autres numéros. J'en ai un déjà. Ah, t'en as un déjà. Ben, Kylian, je te laisse nous le composer. Oui. Dans le standard, comme ça, on ne perd pas de temps et on peut avancer dans cette émission. Dans quelques instants, on continuera à faire les news de la semaine. Nous sommes toujours dans le standard de Liège, là. Le standard de Liège, oui, pourquoi pas, tant qu'on y est. Mais en tout cas, ce que je vous propose de faire, c'est aussi toujours de nous envoyer vos messages à propos de la cassette de Jadoul. La cassette qu'on va réécouter d'ici quelques instants. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, vous avez relancé un numéro, là. Oui, je l'ai lancé. Enfin, je l'ai lancé. Cet appel n'est pas autorisé. Dis au groupe. Changez un peu de page blanche parce que je crois que la page là il semble. Hein. Mais l'appel n'est carrément pas autorisé. Ok, d'accord. Carrément, bah, je vous remercie. On y arrivera, je vous le dis, c'est peut-être juste. C'est le climat, il fait quel temps dehors là? Parce que ça ne. Je vais aller voir. Pas. Il va aller voir avec un micro sans fil, c'est parti. On y va, c'est parti. On y va, n'importe quoi. Je n'en peux plus, mais quelle équipe. C'est comment le temps dehors, Kylian? Sur le point météo, nous avons un beau ciel découvert. C'est quoi cette voix? Tu t'es coincé quelque chose dans la fenêtre? Oui, j'ai la jambe sur l'appui de fenêtre. Ça. Okay. Non, donc le ciel est assez dégagé, il fait beau, il y a du soleil. Il n'y a pas de nana par contre, mais okay. Il y a des légers nuages en fond là-haut. Mais... Ok, rien de bien méchant. Tu peux venir composer le nouveau numéro, Kylian, s'il te plaît, dans le standard. Comme oui, ça, on avance. Je cours, je ne fais que ça dans cette radio, je cours. Ouais, bah ça te change un peu. Et on rattrape ce que tu n'as pas fait au bureau aujourd'hui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça, je te le dis. Je suis un sportif. Allez, on y va, ne perds pas de temps. Mais je ne perds pas de temps, je mets mon casque. Il a besoin de mettre son casque pour. Et alors que je l'ai débranché, son casque, donc alors... ça n'a pas la peine. oui. Voilà, il compose le numéro en direct, ça c'est là aussi la magie de cette émission. On fera un jeu des 5 mots, tiens, avec Corentin d'ici quelques instants. Tu peux déjà envoyer le numéro, hein, Kylian, vas-y, je t'en prie. Hop, je te l'envoie. Allez. J'ai carrément oublié le but de l'appel, moi. Ouais, c'était quoi le but? Qu'est-ce qu'il les appelle? C'est quoi le but? Bonjour, vous êtes bien chez le docteur Remac, le Jean-Michel neurochirurgien. Pour contacter son secrétariat, vous pouvez composer le 04. Ouais, non, mais c'est gentil. Ok. Qu'est-ce que t'as été nous composer le numéro d'un neurologue? Bah, il a des petits problèmes mentaux. Je vois, non, mais un neurochirurgien. Parce que je vois dans le standard, c'est marqué neurologue Jean-Michel docteur. Dis-moi, est-ce que le numéro du standard s'affiche? Non, du tout. D'accord. Non, c'est un standard. Donc... Parce qu'il va avoir un appel. Oui, bonjour, vous voulez prendre une consultation? Ah bon? Et alors là, l'animateur qui sort dans le studio à ce moment-là, je pense que c'est un signe du destin. non, mais tu fais comme ça? Bah non, pourquoi? Ah, Oui, bah voilà, c'est, ça y est, c'est atteint. Votre cerveau, oui, bah, c'est pour ça que vous appelez. Ça a touché, les connexions se sont faites. On ne peut plus rien pour vous. Vous êtes bienvenus chez nous. Vous avez vos petits problèmes, bah oui. On voilà. Le voit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer le petit son que la voix off nous a envoyé. Oui. On va revenir sur le numéro de téléphone dans quelques instants. Mais voilà, ça fait depuis 2014 qu'il est avec nous à la radio. Vous ne le connaissez peut-être pas parce que vous faites que entendre sa voix sans connaître forcément son prénom. Il s'appelle Valentin et on s'écoute tout de suite le petit message qu'il nous a laissé pour cette émission. C'est parti. Si ça se lance, évidemment, je rappelle que c'est nous sommes à Ilar FM. C'est le petit saint de cette radio, Valentin. C'est le petit saint, voilà. C'est le saint Valentin. Ah oui. Bonjour Thomas, bonjour Curtis et bien sûr, bonjour à l'ensemble de l'équipe de production de TMS Prod, mais aussi à tous les auditeurs d'Ilar FM et qui écoutent finalement l'émission de Jadoul. Je suis Valentin Follinier et depuis maintenant 2014, j'ai été la voix off des programmes et des productions radio et télévision de TMS Prod. L'idée initiale est partie il y a 4 ans de cela sur un forum dédié aux voix off sur internet où j'ai fait la rencontre de Thomas et où notre partenariat est né et a finalement progressé d'année en année. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai décidé de m'orienter dans d'autres horizons totalement éloignés de la radio, justement au moment où Thomas reprend petit à petit sa passion et ses marques dans le monde de la radio. Je suis très fier de nos 4 années de collaboration et souhaite à Thomas et à toute son équipe une excellente continuation. Salut Thomas. Oh, c'est super gentil. Alors juste, Curtis n'est pas avec nous dans le studio. C'est juste la petite nuance. Je sens que j'aurai un coup de téléphone à la fin de l'émission. Mais en tout cas, voilà, je tiens à le remercier. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse 16 au revoir aujourd'hui, en sachant qu'on est ensemble jusqu'au 7 juillet. Mais voilà, vous allez encore l'entendre hein, jusqu'à la fin de la saison. Même tout l'été, encore sur l'antenne Ilar FM. Et on va peut-être trouver son remplaçant d'ici là. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est lui qui reste dans les versions enregistrées. Mais c'est vrai qu'il nous quitte et moi ça me fait quelque chose parce que ça fait quand même 4 ans qu'il est avec nous et je trouve ça quand même bien, il part sûrement au bon moment, mais voilà, s'il s'oriente vers quelque chose d'autre et que c'est un horizon qui lui plaît, bah, je lui souhaite tout évidemment le meilleur pour cette reconversion dans un autre domaine, mais voilà, je serai toujours avec lui, je ne le lâcherai pas et ça c'est important de le rappeler. Il a fait du très bon boulot. Il a toujours fait du très bon boulot pour nous et on l'en remercie. Oui. Voilà. Un commentaire Corentin ? Merci à lui. Un commentaire Curtis ? Merci à moi et à lui. Allez, on peut revenir peut-être sur les numéros de Jean-Michel ? Oui. Voilà. Juste rallumer le standard. Parce oui, que ça serait peut-être mieux, effectivement. Voilà, vous pouvez me composer un nouveau numéro, je vous en prie. Faites vite, parce qu'on n'a pas toute la soirée. Déjà qu'on a fait des adieux, c'était émouvant. voilà, vous avez des numéros ? Oui, je suis en train de le composer, j'espère de pas me tromper. Je suis super dans les inquiet. Numéros. Je suis super inquiet, je sais pas ce que ça va donner. Voilà. C'est bon ? Ça doit être ça. Ok, vas-y, lance la ligne. On va peut-être aller à la pêche. Mais qu'est-ce que c'est que ces numéros ? Si, mais c'est en France ou en Belgique ? En Belgique. Hein. En Belgique, oui, parle dans ton micro, pas dans ta tablette. Ouais. Il parle au micro, pas à la tablette. ça ne va pas. T'as les pages jaunes, les pages rouges, les pages bleues, les pages violettes. Je sais pas ce que c'est. 1307, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais je ne sais pas. Les renseignements, je pense, un truc comme ça en Belgique. Je connais pas bien en fait. On va voir tout le service d'État sur nous. Mais non, pas les renseignements d'État, les renseignements tout simples. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Allez, j'en ai un si tu veux. Allez, je vais le faire moi-même parce que ça commence à traîner. Il veut dire qu'il y arrive mieux. Hein. Non, je dis pas ça. Et puis c'est là que le numéro répond vraiment. Hop là, je mets le préfixe, plus 32 pour la Belgique. Y a pas de Michel là-dedans. Ah! Quoi ? Le gars est malade, il m'appelle un cabinet d'avocats. Mais il est complètement marou. Même si on a un bon avocat en ce moment qui fait les dossiers pour la rentrée, je ne nous je ne paye pas pour ça. Nous avons l'avocat Guy Gilbert. Oh là là, va-t-on trouver un numéro de téléphone d'ici la fin de cette émission ? C'est la grande question que je me pose. Allez-vous être à la hauteur ? On espère, hein. Tout le monde espère ici, sur cette terre, tout le monde espère. Mais... Va-t-il y avoir un Jean-Michel Zika avec nous par téléphone ? Putain, ça aurait pu bien l'appeler d'ailleurs lui. Voilà, vous venez d'entendre le cerveau de Kylian. Merci. Corentin, oui. peux-tu parler dans ton micro? Oui. Et peux-tu me dire si t'arriveras un jour à trouver un numéro de téléphone? En trouver un, c'est pas le problème. Ça. Le principe fonctionne. Est simple. Tu vas sur le site des pages jaunes, tu tapes Jean-Michel oui. ou à Charleroi ou à Liège. C'est fait. C'est ce que j'ai fait à chaque fois. Hein. Ah d'accord, ok. Ok, très bien. Ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup. On aurait peut-être dû préparer ça à l'avance, mais bon, c'est la magie du direct. On s'y attendait pas à faire cette séquence. Et comme quoi, ça prouve que tout peut arriver dans cette émission-là. On pourrait se lancer un petit titre en attendant. On va se lancer un petit titre. C'est ce que je suis en train de préparer. Oh bah c'est magnifique ça. Tu vois quand tu veux. Tu vois quand tu veux. Le gars, il critique le producteur de son émission. Allez, j'espère que vous passez une belle soirée avec nous. Nous sommes en direct et on ne vous lâche pas. J'ai un Jean-Michel. Non, c'est bien, Jean-Michel. Cool. Ta vie, c'est nickel. On l'appellera en antenne, voir si le numéro répond et on va tester tout ça en direct. Vous êtes dans Jadoul, votre émission en direct. Number one is a heart. Quelle ambiance en ce samedi 16 juin. Je vous rappelle que le mois de juin est mon mois préféré, ce qui peut témoigner peut-être de mon agitation extrême que j'ai actuellement. Je vous emmerde. Pas vous les auditeurs, hein, cette espèce de bande de chroniqueurs là, qu'il y a dans cette émission. Heureusement que je n'ai pas activé leur micro car ce serait malheureux. Alors qu'est-ce que je voulais faire là maintenant? Je sais même plus ce que je voulais faire. Ah oui, mettre un jingle. Eh bien, l'Alzheimer me gagne tous les jours de plus en plus. Mais bon, c'est pas grave. Merci. Foutez-vous de ma gueule, vous allez voir comment ça va bien se passer pour vous prochainement. Allez, vous êtes sur LR FM, vous êtes dans Jadoul. Le 20h-22h. C'est un peu comme un repas en famille. Il y a de la musique et de la nourriture. Il y a un oncle un peu bourré. Et bonne année. Qu'on essaye d'éviter. Bonne Saint-Valentin. Et il y a un gars un peu lourd. Oui, enfin ça, c'est tellement grossier comme affirmation. Il y a une personne âgée jamais contente. Le nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. Et il y a celui que tout le monde connaît, mais on ne sait pas pourquoi. C'est Jadoul, tous les samedis, de 20h à 22h, sur Hilar FM. Et est-ce que toute la famille est là? Corentin, est-ce que tu es présent? Oui, tout à fait. Kylian, est-ce que tu es présent? Comme toujours. Est-ce que tu t'es éclaté les fesses en te sautant En te jetant sur ce siège? Bah, pas la fesse, mais la cuisse qui est restée bloquée sur le petit bord qui remonte de la chaise. D'accord, bah voilà, ça serait pas de mal. Est-ce qu'on a des numéros de téléphone au standard? Eh bah oui, j'en ai mis un. Alors c'est parti, on les appelle en direct. Ça n'arrête jamais. Hein. Allez, j'espère que ça va aller cette fois-ci. Hein. Ouh, ça sonne! Ça sonne. Oh. Hein. Je rappelle que le but de la séquence, c'est d'appeler un Jean-Michel en Belgique pour savoir si ça se dit le mot une fois avec l'accent. Que Corentin va nous dire. Allô. Allô. Bonjour, je suis bien chez Jean-Michel. Oui, oui, c'est moi. Ah, enchanté, je ne vous dérange pas. Je suis en train de dîner, mais si c'est important, dites-moi. Oh ben, nous sommes en direct à la radio, monsieur. Ah ben voilà. Voilà, alors dites-moi, vous êtes du côté pour la valise. Non, c'est pas pour la valise RTL. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on essaie d'appeler des Liégeois, des gens de Charleroi et un petit peu des gens en Belgique pour savoir si, avec l'accent belge, l'expression « une fois » se dit ou c'est juste un cliché qu'on a sur les Belges. Ah, non, évidemment, ça se dit une fois. Hein. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Donc, mais vous avez l'accent ou pas? Bah, et vous l'entendez quand même à la manière dont je vous parle une fois. On vous remercie, monsieur. On vous souhaite une très belle soirée et une bonne fin de repas. Allez, portez-vous bien. Merci, vous aussi. Ah, voilà, ils sont sympas, les Belges, avec cet accent. On entend que le gars, il a pas l'accent de base, mais il a joué le jeu et c'est ça qu'on adore. T'as d'autres numéros comme ça? C'est nickel. Bien sûr. Kylian, tu vas le composer le suivant. Je vous dis, c'est un de mes meilleurs moments. Le gars qui demande, c'est pour la valise RTL. Mais le pauvre, quoi, il a peut-être cru qu'il allait gagner, quoi, le pauvre. Vous gagnez un voyage chez vous. C'est juste dingue. Tu peux déjà lancer le numéro, c'est vas-y. Marché. Merci. Allez, c'est parti. On en appelle un autre. J'espère qu'il sera toujours aussi sympa. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Merci. on les enchaîne, c'est pas grave. On les fait à la suite. Si on peut retomber sur quelqu'un d'aussi sympa, ça me va. Je vous propose de faire un petit jeu des 5 mots entre vous deux. Entre vous deux, Kylian VS Corentin. Ok. D'accord. Qui choisit les 5 mots? Toi. Oh mince. Donc okay. prépare 5 mots sur un papier. Tu as encore quelques minutes. On va juste appeler quelqu'un directement en Belgique pour essayer de voir si lui aussi il faut avoir au moins 3 avis. Hein, sinon, ça le fait pas. Alors, on y va. Le numéro de téléphone, c'est moi-même qui le fais car Kylian est concentré à préparer son jeu des 5 mots. Donc, normalement, ça devrait aller. Je pense pas qu'il sera attribué parce qu'il me paraît bizarre le numéro. Il me paraît un peu bizarre. Oh, ça sonne. Ouh. Je suis très inquiet. Ah, Jean-Michel. Allô. Oui, allô. Allô, oui. Je suis bien chez Jean-Michel. Oui. Ah, j'ai une petite question. C'est la radio en direct là qui vous appelle. La radio. Quelle radio? Ilar FM, à Arlon. Oui. Voilà, alors on vous appelle car on est en train de parler des accents et on fait un petit tour des régions de Belgique pour savoir si l'expression une fois se dit vraiment et voilà, on aimerait bien savoir si vous dans votre région vous le dites. Une fois ou l'autre. Ok, mais est-ce que vous de base vous avez l'accent ou pas, ou vous sentez que vous n'avez pas l'accent? Il paraît que oui, il paraît à Bruxelles que j'ai l'accent, oui. D'accord, vous venez d'où vous, dans quelle région? Liège. Ah bah justement, il paraît que c'est là où l'accent est le plus prononcé. Donc voilà, donc une fois vous le dites à Liège. Une fois on le dit à Liège, oui. Okay. Une fois des uns, qu'est-ce que tu me racontes? On vous remercie monsieur, passez une belle soirée. Également. Ah, c'est génial. À la prochaine fois. Merci, à la prochaine fois. Les Belges sont très très sympas et ce qui prouve que une fois, ils sont très très gentils. On en appelle un dernier. C'est du côté de Charleroi, j'espère. Hein. Tout à fait. C'est vrai? Oui. Vraiment? Oh, il est génial. Allez, c'est parti. On va appeler le numéro. Pour l'instant, on a de la chance. On était chat noir tout à l'heure, mais là, on a de la chance. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là. Ouais. 36. Enfin, je vais peut-être pas le dire le numéro à l'antenne. Voilà, je compose le numéro dans le standard. Il est sur la tranche 2. On le lance. C'est parti. Merci. Ça sonne! Mais alors, quelle chance on a! Qu'est-ce que t'as changé, Corentin? Ben, rien. Ah, Jean-Michel encore? Oui. Ok. Si jamais je réponds pas. Ok. Ça a peut-être pas répondu, il commence à être tard. Bonjour, vous êtes bien au cabinet du vétérinaire. Un vétérinaire. Yes, Martinel. En ce samedi, les consultations au cabinet ont eu lieu toute la matinée. Elles reprendront à partir de lundi matin 8h. Nous vous prendrons. Donc, il est vétérinaire et il parle à des humains. Nous vous prendrons. Pas de soucis. T'en as encore beaucoup des gens de la profession. Parce que ça commence à m'inquiéter. Allez, on en appelle un autre. Lui, il a deux numéros, donc si on n'arrive pas. Voilà, au pire, je pense que c'est le fax l'autre en fait. C'est donc, ouais, c'est possible. Hop là, on appelle le suivant. C'est toujours Jean-Michel? Oui. Ça va alors. Ça sonne, mais on a de la chance hein, ce soir. Bonjour, le grand hôpital de Charleroi. Tu l'as fait exprès. Mais non, mais. Le grand quoi? Le grand hôpital de Charleroi. Ça aurait été pas mal. Le titre de la séquence, c'est à la chasse aux Jean-Michel, pas à la chasse aux hôpitaux. C'est aux médecins. Mais tu peux essayer le deuxième, hein, peut-être que. Et le deuxième, ça doit être la même chose. Attends, j'essaye le deuxième. Parce que. Ouais, attends. Ne bouge pas ton annuaire, sinon je vais pas réussir à composer le numéro. Allez, c'est parti, j'en appelle un suivant. T'as tes 5 mots, Kylian? Ok. Oui. Ça sonne en tout cas. Voilà. Oui, allô? Oui, allô? Oui, je suis bien chez Jean-Michel. Quel Jean-Michel, monsieur? Ben, un Jean-Michel, peu importe, nous sommes en direct à la radio, madame. Comment? Nous sommes en direct à la radio, madame. Ben, en tout cas, si vous ne savez pas le nom de... Si vous ne connaissez que le prénom, ben, c'est pas grand-chose, hein. C'est pourquoi? Ben, c'est tout simplement, on veut savoir, via un Jean-Michel en Belgique, si l'expression « une fois » se dit. Oh, écoutez, je vous en prie. Vous avez un petit accent déjà. Est-ce que vous, ça vous arrive de le dire une fois? Non. Non? D'accord, ok. Non. Pas de souci. Bah, merci, madame. Allez, au revoir. Il n'y a pas de Jean-Michel autour de vous? Non. Non, ok, très bien. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de Jean-Michel, hein? Vous êtes sûr? Oh là là, faut pas l'énerver hein. Non. Sinon on se ramasse un coup de rouleau à pâtisserie dans la gueule et paf. La pauvre dame. Oh là là. Mais j'adore. Non. On en appelle un autre. C'est parti, ça c'est un portable en plus. Ça va être génial. Je suis juste fan. Si vous connaissez pas le prénom, c'est pas la peine. J'adore. Allez, on en relance un, c'est parti. Cette émission est géniale. Vous mettrez vos ordures ménagères ailleurs. Oui, c'est vraiment ça. Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. La politesse, c'était de demander, vous avez le temps ou vous êtes pressé? Je pourrais tous le faire. Ah, oui, d'accord, c'est pas grave, on est en direct à la radio, j'ai pas compris votre message, mais... très bien, et vous? Alors, c'est fait. Alors, je viens de raccrocher. Oh là là, on va y arriver. Hein. Hop, suivant numéro de téléphone. Allez, c'est parti, on en compose un autre. Kylian, t'es prêt? Je suis prêt. Mais t'es où? Oh, jamais je suis là. En haut de la falaise. Coucou. Mais nom de Dieu. Oui, allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour, je suis bien chez Jean-Michel. Oui, c'est Jean-Michel, oui. Enchanté, voilà, nous sommes en direct à la radio, monsieur. Hein? Bah bon. Oui, ben voilà. En fait, on recherche des Jean-Michel en Belgique pour nous dire si l'expression « une fois » se dit chez les Belges. Ben oui, bien sûr. Vous avez un petit accent, vous venez d'où, vous? Ben je suis de Bruxelles. Ah, la soirée se passe bien, à Bruxelles? Oui, oui, oui. D'accord, mais c'est vrai qu'on a téléphoné tout à l'heure à Liège et ils avaient l'air de le dire plus souvent qu'à Bruxelles. Même quand ils décrochent, hein. Oui, une fois. Non, moi je dis pas ça systématiquement. D'accord, mais ça arrive dans une conversation. Oui, ça peut arriver, oui. Ok, très bien. Oui, une fois. Sans indiscrétion, vous faites quoi dans la vie? Mais je suis pensionné, j'ai 82 ans et je suis plus bon à rien. Voilà. Oh, oh, ben non, monsieur, non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Justement, vous passez à la radio. Plus bon à grand chose, allez. Pardon? Plus bon à grand chose. Bah si, arrêtez. Vous avez quel âge, vous? Moi, 18. Pardon? 18 ans. Ah oui, c'est le contraire de moi, oui. Oui, c'est un petit opposé. C'est les deux extrêmes. Oui. Mais voilà, mais vous avez de la compagnie quand même autour de vous. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais je suis sûr que vous avez... Vous faisiez quoi avant d'être pensionné? Ingénieur industriel. Bah c'est super ça. Ça c'est pointu quand même. C'est beaucoup mieux qu'animateur radio. Mais en tout cas voilà, monsieur, je suis sûr que vous êtes encore bon à quelque chose. Et puis la retraite justement, ça vous permet de faire des choses que vous n'avez pas pu faire auparavant. Oui, oui. Écoutez, ça c'est votre baratin, hein, s'il vous plaît. Oh ben, j'essaie de vous remonter le moral, monsieur. Merci. Merci. Voilà, c'est okay. Quand on essaye d'être sympa avec les gens qu'on s'en prend plein la gueule. Voilà, je vous le dis, il n'y a plus qu'à dire. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. J'ai pas trop compris en fait. Moi non plus. Le type je est dépressif. Bon, arrêtez, hein. Votre baratin. C'est exceptionnel. Merci. Allez, on les enchaîne, on y va, on continue, on en prend d'autres. Allez, hein. Est-ce que c'est possible? Jésus. Bien sûr. Merde. Merci Jamy. Ça c'est un autre? Oui. Ah, je ne lirai pas le nom parce que ça ressemble à un autre nom. Allez, on compose le numéro. C'est un petit animal là. Allez. Qui souvent se fait écraser au bord des routes. Mais c'est un Jean-Michel. Du côté de où? Du côté de où? Il n'y a même pas besoin. Des vétérines. Allez, on enchaîne un suivant, Kylian. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant de retéléphoner à un Jean-Michel, on va se faire le jeu des 5 mots. C'est parti. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. Alors, dans ce jeu des 5 mots, qui oppose Kylian à Corentin, est-ce que vous êtes tous les deux prêts à répondre aux devinettes de Kylian? Ah oui, parce que tous les deux prêts à répondre aux devinettes de Kylian. Oui, okay. J'ai commencé cette phrase, je savais pas où elle allait. Donc, On l'a pas su non Kylian, plus. Es-tu prêt à répondre à tes devinettes? Je suis prêt à répondre à mes questions. J'espère que j'aurai les bonnes réponses. Alors, je vous ai fait perdre 10 secondes. Oui, j'ai remarqué ça. Allez, on relance le chrono quand t'es prêt. Go. Et toi? Ah bah okay, c'est parti. Alors, c'est une société qui permet de s'amuser, de s'éclater. On est en collaboration avec. Ah non, ah, tu les cites pas. Hein, si, les cites, si, non. Y a pas. Voilà, j'ai coupé les micros. Non. CSMA, sa meilleure société événementielle en province de Luxembourg. Voilà, de plus, alors. Le salaud. Il a pris en otage mon micro. C'est bon, on arrête le chrono. Si c'est une page de pub, tu me dis, je lance le jingle. Attends. Et t'essaies de regarder mes réponses en plus, t'es sûr. T'as pas le temps de les voir, ça va. Ouais. Attendez, vous êtes cru où ici? Vous êtes cru dans Publicité FM ici ou bah quoi? Oui. Oh non, mais vous, est-ce que vous avez honte? Non. Non. Allez, c'est parti, on relance le jingle des jeux des 5 mots. Alors, retour de 30 minutes de rire, juste après la pub, sur Hilar FM. C'est parti, on peut lancer le jeu des 5 mots. Allez, vous êtes prêts? Alors, c'est une société d'événementiel. Oh, vous m'emmerdez! Oh, j'en peux plus! Ok, bon, allez. L'autre, c'est un dirigeant. On reprend. Okay. On reprend depuis le début les 5 mots. On se calme. Non, déjà, on va se calmer. Ok, allez. Je sais pas où vous vous êtes cru. Il reste 10 minutes d'émission, je vais pas commencer à me faire emmerder, d'accord? Eh, hey, mais va se calmer le petit là-bas! C'est parti, j'espère on relance qu'il y ait pas de voisin le à côté du studio. Chrono. C'est parti. C'est une société d'événements. Non, je rigole. Allez, le dirigeant de ce pays est un peu. Il est chauve, il monte sur des ours. Non, ça c'est moi. Vladimir Poutine. Bien! Alors, je sais plus ce que j'ai marqué là, c'est pas grave. Alors, il y en a un, c'est. On l'a entendu derrière Jean-Michel. J'ai pas compris là. On l'a entendu derrière Jean-Michel. C'est quelque chose qui. Une petite sonorité. Une hymne nationale. Bien, et laquelle? Ben, russe. Bien! Terminé. Ok. Et il en reste combien? Alors, de base, il en restait deux maintenant, mais il y en a un, j'ai mis une fois. Oh merde! Mince, pardon, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. En fait, je me rappelais plus qu'est-ce que j'avais voulu mettre par une fois, mais en fait, c'était l'expression que je voulais faire deviner à Corentin. Mais c'est okay. Pas très grave. Allez, on repart pour 30 secondes. Pas pour la dernière. Tu le connais très bien. Il mange des frites, il boit beaucoup. Jadoul? Oh merci! Aussi. Ouais. Je ne bois pas moi déjà. Ah bah d'ailleurs, il y a pas longtemps, il nous a raccroché au nez. Ah, il est en train de se faire tabasser, on sait pas s'il est encore vivant en Russie. Voilà, il y a du temps, voilà. Bien, Jean-Michel, c'est ça, voilà. C'était Jean-Michel. C'est tout? Bah oui. Bah oui, l'autre, je l'ai donné l'info okay. Et c'est pour ça que ça allait en retrouver. Et l'autre, c'est facile, c'est CS Event, donc là, c'est ça. Ok, bon bah c'est la fin du jeu. C'est la fin du jeu. Il y avait un peu trop de suspense ici, je n'ai pas tenu le coup. Ça va, on est détendu, la page de pub est terminée. Mais au cas où si... non, ça ira. C'est si jamais les gens viennent d'arriver seulement, le premier mot, c'est, c'est ça. C'est CS et puis Hilar FM Event. CS, Hilar FM Event. Ouais, bien sûr. Ça va mal se passer pour vous en fin d'émission. Chouette. Tu connais la chanson It's the Final Countdown? Oui, c'est oui, non. Vous connaissez? Ah non, rien à voir. Oui. Non, oui. C'est Europe. Voilà, c'est ça. Ça a rien à voir avec Queen. En fait, pourquoi je dis Queen? Ouais. C'est bon. Ça a rien à voir. Mais en fait, ça c'est la musique qui symbolise la fin de votre contrat imminente. Chouette. Donc voilà, tu as gagné. Bravo, félicitations à vous. Vous m'emmerdez. T'as postionné. Merci. Voilà, comme ça, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Ah, la saison prochaine. Là, je parle à mon directeur technique. Oui. Je pense qu'on va donc avoir le nouveau studio. Oui. En principe. En principe, oui. Il paraît qu'on sera filmé. Que ce sera plus de la radio dans notre coin tranquille. Tout à fait. Et que le studio sera aménagé de manière à ce qu'on puisse filmer dedans. Oui. Ah putain. Il y a certaines choses auxquelles on devra renoncer. Mais c'est pas grave, Hippo, il faut pouvoir faire des sacrifices. Mais pas trop non plus. Voilà, je sais pas comment ça va se présenter la saison prochaine. Enfin, en tout cas, je suis très très très inquiet. Une idée, quelque chose de ce qui va se passer, techniquement parlant, qui pourrait me désavantager? Bah, des trucs qui vont t'avantager, oui, mais... Ouais, je ne le sens pas du tout. Je sens que ça va être... Si, ça va bien se passer. Ouais. Ouais, puis, en plus, tu as la meilleure entreprise événementielle à tes côtés. Pff, comment ça m'emmerde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, j'ai un hook qui est parti, je sais pas de où. Ah oui, c'est marqué 19h-20h. Merci Kylian, t'as pollué mon truc. C'est vrai? Ouais. Ah mince. Voilà, bah bravo. T'essayais de pirater l'émission en fait, c'est ça? Oui, toujours. C'est ça. Moi, bah, c'est impossible. Une cruauté, je suis d'une cruauté, mon Dieu. On pourra avoir des nouvelles de Jean-Michel d'ici la fin de l'émission? Bah oui, j'essaierai de le contacter. C'est pas ce qui s'est passé donc. Bah d'ici la fin de l'émission, dans 5 minutes quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais en attendant, on s'écoute quand même Coldplay avec Viva la Vida. C'est le premier titre que j'ai réussi à dire ce soir. Bravo. Allez, on va fêter ça. Bravo. Vous écoutez le 20h-22h avec Jadoul. Toujours évidemment un big up à Valentin que vous venez d'entendre avec sa séquence de tout à l'heure à réécouter sur le podcast ilarfm.com ou sur iTunes Podcast. Kylian, il s'est passé quoi là à l'instant? Alors j'ai reçu un message donc d'une certaine personne dont je ne citerai pas le nom, mais qui me dit: hello, je suis la dileuse de ma couille. Ah bah pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Ah d'accord, on me lance encore un nouveau numéro de téléphone. On appelle qui? Allez, j'ai quand même donné le prénom, c'est une Lucie qui a dit ça. C'est un Jean-Marie, d'accord. Oui. Ah, d'accord, il n'y a plus de Jean-Michel. Jean-Michel, non, c'est fini. D'accord, ok. Et on appelle du côté de? De Charleroi. Merci. Je ne le sens pas du tout. Bon, je sens que tu vas te faire taper. Allez. Il est 22h. Allô? Oui. Oui, bonjour, je ne vous dérange pas? Non, ça qui est sonneur, s'il vous plaît. Pardon? À qui est le sonneur, s'il vous plaît? Nous sommes en direct à la radio, madame. Ah, monsieur, je m'excuse beaucoup, mais je ne saurais pas m'en occuper. Ah, mais veuillez m'excuser. Faut pas s'en occuper, faut juste nous répondre à une question. Merci. Quand je vous ai dit que je le sentais pas. Mais elle a exactement la voix de la dame. Hein. C'était elle, j'en suis sûr, Corentin. T'as fait quoi encore? Mais nom de Dieu! C'est vraiment elle, hein, j'en suis sûr et certain. Oh là là, elle est juste complètement dingue. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein? On en appelle un autre? Oui, hein. Ok, allez, on en relance un. Y'a pas quelqu'un dont le nom de famille termine par une fois? Non, je pense pas. Les Belges sont Joseph, une fois. 27, c'est peut-être ma dernière saison sur LRFM, donc je profite, je peux faire les conneries que je veux. Allez, on en appelle un autre. Non, je rigole pas. Je sais pas encore. Cet appel n'est pas autorisé. Ah, bah oui, on a interdit! Tu peux pas! Tu t'appelles Jadoul, tu peux pas! Allez, un autre, on enchaîne, c'est parti. Kylian, je te laisse le composer et nous, on continue rapidement cette émission. Ah oui, la cassette, on va vite la faire maintenant tant qu'on y est. La cassette de Jadoul, est-ce qu'on a le temps pour le jingle? Oui, non, on n'a pas le temps. Ok, ça c'est fait. J'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme là. Ce sera le dernier numéro parce qu'il faut pas oublier qu'il y a. Oui? Ah bah non, on doit plus appeler Jean-Michel. Voilà. Allez, on y va. La cassette de Jadoul, c'est celle-ci, on vous la rappelle. C'est parti. Oh! Voilà, donc normalement vous devriez trouver avec cet indice. Plus 32 49 9 15 75, on fera le tirage au sort demain car aujourd'hui on n'a pas le temps. On va rappeler à notre Jean-Michel, est-ce que vous êtes prêt au standard pour m'en relancer? Un Jean-Marie. Un Jean-Marie. Ok, très bien. Du côté de? De Charleroi. Ok, très bien. Cet appel n'est pas autorisé. Mais on a des interdictions aujourd'hui ou quoi? Allez, c'est parti, on propose un autre. Tout le monde est en route. Voilà, on est toujours dans cette émission. Et... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes en direct. Oui, bah défoncez pas la porte du studio, merci, c'est... Qu'est-ce que c'est? Bonjour, toi Jadoul. Non, moi pas Jadoul. Qu'est-ce que c'est? Toi aimé Jadoul. Oui, ça va, oui. Non, c'est un connard. Qui est Jadoul? Ah non, foiré, c'est lui. De quoi? Moi, j'ai rien fait. Qu'est-ce que vous faites? Aïe. Toi, Jadoul, toi, aimé oui, Jean-Michel. C'est moi. Oh, oui, très gentil, Jean-Michel. Toi, viens lécher chaussures. Ah non, c'est lui qui lèche les chaussures, pas moi. Toi, lécher chaussures. Ah non. Mais monsieur, nous sommes en direct à la radio, donc. Rien à foutre, moi. Hop, dégage, toi. Non, mais allez, monsieur, attendez dehors. Rien à foutre. Est-ce que Quentin, tu peux nous appeler la sécurité? Non, toi, lécher chaussures à moi. Parce que oui, il faut dégager Vladimir du studio là, parce que. La sécurité en route. Attends, Mikov, Commande, viens. Non, non, va vite, vers, dépêche-toi, appelle la sécurité. Ils ont appelé. Ah. Ok, ils sont appelés, ils arrivent. On va faire tout péter. Ouais, c'est ça, mais après 22h15. Parce que sinon... ta gueule, toi aussi. vous allez déjà la fermer parce que. Ça va rigoler. Grâce à nous. 5 euros, hein, monsieur, 5 euros. 5 euros, monsieur, déjà. Ici, quand il y a un gros mot, c'est 5 euros. Quoi ? Toi, va voir, toi. Ouais, je vais voir. Non, allez, partez, rigoler, monsieur, partez. Allez, partez, ouais. Monsieur. Voilà, hop là. Je le pousse, enfin, j'essaye du coup. La sécurité est arrivée. Ils sont en train de le jeter dehors. On va vous faire. Moi, vous tapez, vous, un jour. Ok, voilà. On a réussi à le sortir du studio et on a fermé la porte. On va la fermer à clé. Ça va? Non, il reste à l'extérieur. Kylian s'est planqué sous la table. Tu peux sortir de la table, Kylian. Hein. Non, n'ouvrez pas. Allô? C'est improbable. Hey, c'est moi, les gars, c'est Jean-Michel. Oh, Jean-Michel. Ça va? Bah oui, très bien. Vous avez été relâché? Bah oui, je suis devant toi. Tu me vends bien, hein? Oh là là. Ça vous va? Très bien. Bon ben, comme tu le vois, j'ai un fusil sous la tempe. Alors je vais essayer de faire bref. Vous avez pas la langue lisse? Non. J'ai la langue qui brille. Ok, elle d'accord. Est belle. Belle, comme les chaussures. Léchez pas la bonnette, c'est pas une chaussure. On a encore un Jean-Michel en stock. Attends, parce que j'ai une confidence à vous donner. Confidence pour confidence, allez-y. Ils m'ont libéré, donc là je viens de le voir, mon patron partir. Votre patron, c'est moi votre patron. Plus trop maintenant, hein. Il m'a engagé comme chien humain. Chien humain. Oui. Oui. Donc maintenant, je dois retourner avec eux. Ah bah maintenant. Voilà. Je dois retourner avec eux. Il y a eu quoi? Il y a un énorme coup dans la table, il y a tout qui est tombé de la table. Non, c'est les Russes qui sont encore là. Ils s'en foutent complètement de ce que je le dis, hein. Ah, oui, je vous avoue, je vous écoutais pas. Faut que j'y aille parce que je dois aller faire ma petite promenade. Ok, bah très bien, allez-y. Ok, je pense qu'il est parti, Jean-Michel. Bon, ce que je vous propose de faire, c'est que vous êtes toujours dans Jadoul, le 20h-22h, qui est là avec vous et qui rend l'antenne en retard. Mais ça, on a l'habitude, on est avec vous jusqu'à 22h15. Allez hop, là, on est détarrés, on continue cette émission, on en a rien à faire, on doit appeler des Jean-Michel. Est-ce que ça va répondre du côté de Charleroi? C'est la question qu'on se pose. On en appelle un autre. C'est un Jean-Michel? Oui, Jean-Marie. Un Jean-Marie, d'accord. Du côté de Charleroi, d'accord. Ça, je ne le sens pas. Les numéros qui commencent par 71, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. On va se prendre la messagerie. Mais écoute, prépare le suivant, parce que là, celui-là, ça ne le fait pas. Et on en aura peut-être un autre prochainement. Oui. Oh là là. C'est juste dingue. Kylian, il s'est quand même pris trois fois à la porte, hors antenne, car il se baladait, il allait chercher à boire, et j'ai entendu. Ah. Et après, 5 minutes plus tard, il fait oh, mais je me cogne partout, j'en ai marre. 5 minutes encore plus tard. Ah. D'habitude, c'est tout le temps les coudes, alors là. Ouais, d'habitude, c'est les coudes. Kylian, tu peux nous expliquer? Alors, avec petite alerte info de la part de Kylian. Donc, la personne qui parlait de ma couille, enfin, pas la mienne, mais. Enfin, bref, donc Lucie est contente d'être passée à la radio, voilà. D'accord. Ah, donc en fait, la personne savait qu'il y avait la radio et tout. Savait qu'il y avait la radio, okay, oui. Ok. Oula. On a eu une espèce de sonnerie malade. Oh, c'est à l'étranger. Non. Si, ça sonne à l'étranger, ça. Non, c'est une Belgique. C'est bah, c'est peut-être la Belgique à l'étranger. Au Congo, le cas qui est pas au courant. Voilà. Bon. Je le sens pas. Non, mais là, je le sens plus. Après 22h, ils arrêtent les appels, c'est fini. Oula, la sonnerie, elle a mué. Elle est revenue en Belgique. Elle est en avion. On prépare déjà le suivant, tu en as un. Allez, c'est parti. Changer de numéro. Hop là. Tu peux raccrocher en même temps, hein. Bah non, je vous redonne les lignes. Au standard, écoutez, tu coupes tout, hein. Tu coupes les ponts, hein. Je débranche le standard. J'allume le standard, je débranche le standard et j'arrache le standard. Pierre Richard. Voilà, comme ça, vous le savez. Hilar, c'est bien le nom. Moi, je trouve aussi. Bon. Bonjour, vous êtes bien en cabinet avec Eric Kers, non plus. Le cabinet. Non, t'as des problèmes de cabinet. Dis-moi, tu dois aller aux toilettes, t'as des problèmes de... Ok, maintenant tu prends n'importe quel numéro à Charleroi. Je veux que d'ici 22h15, on ait quelqu'un. Je vais pas commencer à me faire... hein. La vie est très dure. Merci. Eh oui, en Provence, les végétaux n'ont pas la vie facile. Moi non plus. Putain. Merci, Jamy. C'est pas sorcier, c'est la vie. Comme ça, vous le savez. Vous êtes prêts au standard, là? Ils sont deux sur les numéros, hein. Je vous le dis, c'est la NASA, ici, en direct. Oui, mais on est comment de la commune, il n'y en a qu'un qui bosse. 5 qui regardent, un qui bosse. Oui, allez. En attendant, il est venu à l'heure, hein, l'autre. Bah, désolé, j'ai des trucs à faire. Hein. Bon, la vie privée ne me regarde pas. Allez, ah oui, si je ne prends pas la ligne. C'est un... Nella, Maouinha. Ah, voilà, on ne sait pas. La Ouigna, la Lididala. Allez, on en enchaîne un autre. Allez, c'est parti. Je vous rends la ligne 2. Vous écrivez quelque chose dessus, un numéro, quitte à le faire au hasard. Je vous rends la ligne 2, comme si on avait plusieurs lignes. On en a 3, d'accord. On est avec le mec qui va faire. Je vous rends la ligne 2, on passe à la ligne 3. Ça y est, c'est parti. Et attention, le pilote dépasse la ligne 1 qui se fait doubler par la ligne 3. Ciseaux. Scalpel. Ligne 2, s'il vous plaît. Point. Allez. Donne-nous un peu de rythme. Allez, on appelle quelqu'un, c'est parti. Oh, je vous laisse faire les numéros, hein. Dès que ça décroche, je reprends. Oui, bon, on avait bien compris, t'inquiète pas. Vous êtes deux, là, c'est une catastrophe. Ah oui, ça va. T'as déjà pas de problème de vue, c'est déjà bien. Allez, on y va, on continue. Micro de merde. Merci, Elise et Moon. Ça, c'était un petit message pour toi. Oui, allô ? Ceci est son mail basic. Oh, merde. Oui, allô ? Je n'en peux plus. Et toute son équipe sont en train de composer les numéros au standard. Ah non. On en connaît un qui s'appelle comme ça. On ne dit pas les noms, hein, pour respecter la vie privée et tout. Mais voilà. Allez, il nous reste 3 minutes. Là, c'est le grand suspense. Ça, c'est le marathon de la radio. On espère qu'on va réussir à avoir des gens en ligne. Allez, on y va. Composer directement les lignes. Ça sonne, c'est déjà bon signe. Nous jouons pour la valise RTL. Les hommes aiment votre poitrine. Toujours dans l'abus. Les hommes aiment votre poitrine. Elle est bourrée, la sonnerie. Et bah, c'est Jean-Michel. Ouais, il travaille à France Télécom, lui. Allez, on enchaîne les numéros, c'est parti, on continue. Là, je commence à être stressé. J'ai vraiment envie d'avoir quelqu'un. Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. Et c'est bien vrai. Nadine Mouk, Nadine Babek. Allez, on y va. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein. Bah, visiblement si. Nous jouons pour la question 1 million d'euros. Voici l'appel à un ami. Nous vous rappelons la question en elle-même. Peut-on manger un goéland avec les poils? Bonjour, c'est Victoria. Pourquoi laisser le message? Oui, écoute ta vie. Allez, on les enchaîne. Je suis en stress, je suis comme ça. Je commence à être énervé, là. C'est pour pousser la gueulante. On n'est pas contente. Quelle galère. On va y arriver. Un petit mot du président. Et on me dit que c'est trop long. Merci. Tac tac tac. Allez, on dit que c'est les 3 derniers numéros. Tac tac et tac tac. Vous êtes prêts? Oui. 3, et bien 2, sûr, on va être hilar. C'est la bonne. Je l'espère. En plus, Il me fait pas de faux espoirs. Quand on est chat noir, on l'est pour un bon moment. Allô? Allô? Oui, je ne vous dérange pas? Non, c'est qui? Nous sommes à la radio en direct, madame. Ce n'est pas une blague. En fait, on appelle en Belgique des personnes pour nous confirmer que l'expression une fois existe. Et on essaie de savoir si vous le dites souvent, vous, par exemple. Un instant. Merci. Attendez, vous passez quelqu'un d'autre qui pourrait prendre ma place. C'est quoi? C'est la radio française. C'est la radio comment... Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. On m'a encore transféré, je pense. Nous sommes en direct à la radio, on aimerait juste savoir, vous êtes en Belgique? Pardon? Vous êtes en Belgique? Ben oui, je suis en Belgique. Voilà, c'est juste pour savoir si vous dites souvent l'expression « une fois » quand vous parlez. Oui, je dis des fois, oui. Vous dites des fois? Mais ouais. Savez, là, j'entends que vous avez un petit accent, vous venez d'où? Ben, je suis belge. Oui, mais dans quelle ville, à peu près, en Belgique? Charleroi. Ah, Charleroi. Ah, j'aurais dit plutôt Liège, mais Charleroi, c'est très bien. Et donc, c'est vrai que vous avez un accent, mais il est encore assez discret. Autour de vous, j'entends qu'il y a des accents plus forts que vous. Est-ce que eux, ça leur arrive plus souvent de dire une fois quand ils parlent? Ouais, ça leur arrive aussi. Ah ben, voilà. Je vous remercie. Merci, monsieur. Voilà, on voulait juste savoir ça. Ça va, ok. Allez, on vous souhaite une belle soirée et bonne continuation. Merci, vous aussi, au revoir. Ah là là, c'est sympa les Belges quand même. Ils sont sympas. On voit que le mec, il était un peu stressé et le mec derrière, je vais chercher dans le poste, hein. C'est peut-être Radio Nostalgie, je sais pas encore. Ils savent pas trop. Allez, bon bah, on va se quitter là-dessus, à moins que... Non, c'est fini, t'en as plus? J'en étais dans le dernier. Un dernier? Allez. C'est le dernier, allez. On liquide tout. Et Kylian, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Bah ça marche, très bien. Allez, à la semaine prochaine, Kylian. Hop, je te serre la main. Au revoir, monsieur Corentin. Ah, oui, là, toutes les mains prises. Je ne dérange pas. Allez, salut, Kylian. Voilà, j'ai un peu coupé, mais c'est pas grave. Voilà, alors on se retrouve qu'avec Corentin dans le studio pour terminer cette émission. Merci de m'avoir crevé les tympans. Allez, dernière chance. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, je ne vous dérange pas? Un peu, mais allez-y. Voilà, nous sommes en direct à la radio, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Ça va. Alors, on téléphone en fait à des Belges pour savoir si vous avez un accent qui s'entend fort et surtout si vous dites l'expression « une fois » régulièrement. Merci. On appelait du côté d'où? Du côté de Libremont. Ah oui, d'accord. Ok. Je viens de me faire piéger par mon équipe. Je te remercie. Avec plaisir. Ouais, c'est génial, je te remercie. De toute façon, ils souffriront si jamais j'ai pas peur de la police. J'ai des grands dans la police. Et si jamais c'est pas à mon idée, je foutrai mes ordures ménagères chez eux. Mais en attendant, je ne veux pas vous allez me boucher ça tout de suite. Hein. Merci beaucoup, Corentin, de m'avoir piégé. Mais avec plaisir. Surtout, c'est une personne à qui je n'ai plus parlé depuis 3 ans. Je sais. Il a dû reconnaître peut-être ma voix. Oui. Je suis très gêné. Je l'espère qu'il a reconnu ta voix juste avant. Je suis très, très, très gêné. Mais écoute, on le rappelle. Non, non, on va pas le rappeler. Toi, tu dégages des standards. Dégage de là, gros con. Non, arrête. Non, arrête. Ah, arrête. Oh, le standard est tombé par terre. On vient de démonter tout le studio. Non, arrête. Arrête. Oh là là. Mais tu l'appelles. Moi, je ne dis rien. Putain, j'arrive même pas à couper le standard. Oh merde. C'est pas grave, je le reprends. Tu m'emmerdes, profondément. Il décrochera plus. Mais si. Mais non. Bienvenue sur voilà, votre... Voilà, donc voilà. Voilà, bon, merci d'avoir flingué ma fin. Voilà, merci, je te remercie et je t'emmerde. tu me refais ça encore une fois, il y a une petite surprise pour toi. allez. On peut se quitter là-dessus? Je pense, hein. Allez. Il faut jamais oublier, Corentin, tu sais quoi? Le rituel de cette émission, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Bah, d'écouter. Non, mais surtout. La vie est belle, si belle que bah oui. Toi. Évidemment. Évidemment, la vie est belle, profitez-en. Et c'est surtout pour ça qu'on vous le rappelle, car l'air de rien, tous les petits moments de la vie sont des petits moments qui peuvent être transformés en moments de bonheur. Et nous, on vous remercie de nous faire vivre des moments de bonheur extrêmes tous les soirs. Corentin, le mot de la fin de ta part? Eh bien, passez une excellente fin de week-end et à la semaine prochaine. Voilà, Claire Chazal, le mot de la fin. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle. Et on se retrouve la semaine prochaine en très grande forme. Dernière émission hebdomadaire, samedi prochain. Et à partir de là, on démarrera les quotidiennes pour l'été. Je vous souhaite une très belle soirée. What's the sense in sharing this one?